Et le mystère continue. Qui est la deuxième victime de Guy Cloutier? Coup de théâtre assez spectaculaire. Guy Cloutier plaide coupable à toute une kyrielle d'accusations. Il y a un deal. Il plaide coupable, mais pas aux accusations les moins graves, comme c'est l'habitude quand il y a un deal, mais il passe dans le tordeur avec des plaidoyers de culpabilité d'attentat à la pudeur, d'agression sexuelle sur une enfant de moins de 14 ans, une agression sexuelle, une tentative d'entrave à la justice quand il a offert 300 000 $ à sa victime pour qu'elle se taise, et finalement, roulement de tambour, attentat à la pudeur sur une autre victime pendant 6 ans. Et immédiatement, le moulin à rumeur québécois s'est remis en marche. Tout le monde au Québec sait, mais personne au Québec n'a le droit de publier le nom de la victime originale de Guy Cloutier. Et soudain, tout le monde voudra dire, c'est qui l'autre, c'est qui l'autre, c'est qui l'autre. Ces gens-là sont probablement des adultes. Et je me demande si les victimes plus nombreuses de Guy Cloutier ne devraient pas trouver un modèle de courage et de simplicité dans les filles Hilton. Le procès de Hilton, le boxeur, avait été un procès bidon pour la simple raison que pendant des semaines de temps, on a vu les gens aller donner la main à Hilton, aller demander des autographes à Hilton, aller roucouler devant Hilton, accusé d'agression sexuelle sur des jeunes filles. Tout le monde savait que c'était ses filles, sauf probablement les gens qui se roulaient devant Hilton en disant « Mon Dieu, quel grand homme que j'ai la chance de serrer sa main ». Les filles Hilton ont montré qu'on peut effectivement profiter de l'anonymat que donnent les tribunaux, mais qu'à un moment donné, les comédies doivent cesser. Quand personne le sait, et qu'il n'y a aucun intérêt à le publier, c'est une chose. Quand tout le monde le sait, et qu'il y a un intérêt à le publier, la justice devient une triste comédie. Et les rumeurs sont reparties quant à l'identité de cette nouvelle victime. C'est assez formidable, là. Le matin où il va plaider coupable, on ajoute une autre accusation avec une nouvelle victime et il plaide coupable à ça aussi. En d'autres mots, encore un ami de Jean-Paul Lallier dans une sale histoire. Après Robert Gillet, qui avait personnellement ou grâce à ses compagnies reçu des centaines de milliers de dollars de cadeaux arbitraire du maire de Québec, le fumiste Jean-Paul Lallier. Voici maintenant Guy Cloutier, qui n'est pas trouvé coupable, mais qui plaide coupable à des accusations sexuelles méprisables, dégoûtantes et répétitives. Encore quelqu'un qui a reçu des cadeaux de Jean-Paul Lallier. Faut vous rappeler que, dans l'affaire du Capitole, au moment où Cloutier en était encore le promoteur, avant de le céder à ce monsieur qui semble un gentilhomme et qui l'opère maintenant et dénommé Pilote. Pour vous rappeler sans doute que Cloutier avait reçu du maire de Québec une énorme subvention sous forme de congé de taxes, étant donné que M. Cloutier avait fait dans la culture au Carré-Diouville, le maire Lallier lui avait adresser la reconnaissance des payeurs de taxes sous forme d'un congé de taxes. Vous rendez-vous compte de ce que ça vous prend? Moi, j'ai reçu mon compte de taxes de la Ville de Québec hier. Étant donné que je tire le diable par la queue dans une petite antenne, peut-être que je pourrais demander un congé de taxes à Jean-Paul Lallier, moi avec, quitte à me faire prendre plus tard dans des sales histoires sexuelles. Ça pourrait maintenir sa moyenne. Quel genre d'homme est Jean-Paul Lallier? On le dit très, très, très, très branché dans le domaine de la culture. On dit que les gens de culture connaissent Jean-Paul Lallier et que Jean-Paul Lallier connaît très bien les gens de la culture. Donc, Jean-Paul Lallier A-t-il ignoré, tout ce temps-là, la réputation que Guy Cloutier traînait dans le monde de la culture comme étant un gars qui était absolument hors de contrôle quand il s'agit du sexe? Est-ce que Jean-Paul Lallier était moins bien informé que ça? Ou si Jean-Paul Lallier était pas parmi ceux qui disent « Ah, oh, tu connaissais Guy, hein, tu peux pas s'en retenir, vous savez comment est-ce qu'il est, là? » Quelqu'un que je connais, mais qui connaît bien le monde de la culture québécoise, m'écrit, en plaidant coupable à certains chefs d'accusation, il évite non seulement des frais, mais aussi des manchettes qui, elles, seraient encore plus dévastatrices. Est-ce une décision courageuse? C'est pas. Semble que cette fois, la preuve était en vrai béton. Mais, dans ce dossier scabreux, deux éléments me chicotent. Il y a attentat à la pudeur pendant 6 ans sur une autre victime. Un mâle ou une femelle? Dans le cas de Cloutier, comme dans celui de Gillet, ce sont deux personnages du domaine artistique qui ont fait des montées fulgurantes, ou du moins significatives, du point de vue monétaire, toutes deux ayant profité des largesses de Jean-Paul Lallier. Cloutier a reçu des congés de taxes de Lallier après avoir été encouragé et subventionné pour le Capitole. Quant à Gillet, pas nécessaire de recommencer la litanie, tout le monde la connaît. C'est fascinant. Les rumeurs sont parties et les tribunaux, avec tous les pouvoirs qu'on leur connaît, n'ont pas le pouvoir d'arrêter les rumeurs. Ou du moins, ils ont le pouvoir d'arrêter les rumeurs, les tribunaux. Une façon toute simple d'arrêter une rumeur, c'est de dire la vérité. Ça arrête la rumeur dès là. Et je ne comprendrais pas que des gens adultes ayant subi autrefois les sévices sexuels de Guy Cloutier trouvent du réconfort, du bonheur ou une satisfaction quelconque à rester secret. D'autant plus que tout le monde va le savoir. Est-ce qu'on pourrait s'attendre qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois ou des prochaines années, ces victimes-là disent au tribunal, « Regarde, là, l'ordonnance de non-publication, c'est de la frime. Voici qui nous sommes et voici qui Guy Cloutier est. » Ça serait bien facile d'arrêter les rumeurs, juste à dire la vérité. Arrêtez de nous prendre pour plus cons qu'on est. Message humoristique de Stéphane, qui a les dents bien aiguisées. Avec le plaidoyer de culpabilité qu'a déposé Guy Cloutier aujourd'hui, on pourrait demander à Martin Evrel d'aller chercher les commentaires de ceux qui parlaient à travers leur chapeau lors de la mise en accusation. Exemple, Ron Fournier et Michel Bergeron. Que diront-ils maintenant de leur petit ami d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils le défendront avec autant d'ardeur? Au moins, René Angélil avait fermé sa gueule. Il avait dit... On va laisser la justice suivre son cours. C'est vrai, ça, hein? Rappelez-vous de ce que les tinamis du réseau montréalais disaient. Hein? Non, c'est impossible. Guy, ben non. Encore quelqu'un, c'est un coup d'argent que quelqu'un veut faire. Il y a quelqu'un qui essaye de... il y a quelqu'un qui essaye d'abuser de notre ami Guy pour lui extorquer de l'argent. Ça n'a pas de bon sens, c'est un coup d'argent. Vous rappelez-vous de Ron Fournier, de Michel Bergeron? Ces gens-là devraient démissionner aujourd'hui. Guy Cloutier les a rattrapés. D'autant plus que les gens qui sont dans l'environnement de Guy Cloutier savent depuis longtemps, que Cloutier, il y a un problème de fesses. Un sérieux problème. Ceci dit, quelques petits messages encore un autre ici. En Radio-Média, il parle de la deuxième victime comme étant de sexe masculin. Le nom que j'entends, c'est effectivement un homme. Mais c'est comme le nom de la première victime que moi j'ai diffusé, après que d'autres l'aient diffusé, et avant qu'il y ait une ordonnance de non-publication. Je trouve qu'on est dans l'hypocrisie la plus consommée. La justice se fait des petites vues, puis les gens font semblant de la croire. OK, maintenant. Moi, je pense que c'est aux victimes maintenant de parler et de montrer plus de maturité qu'un système, judiciaire tout croche comme celui qu'on a, qui pense protéger le monde en propageant les rumeurs. La chose est toute simple. Vous voulez arrêter une rumeur? C'est très facile. Dites la vérité. Bingo! Boum! On va finir par le savoir. Hein? Vous allez finir par le savoir. Puis le nom va sortir. Hein? Mais il sortira peut-être pas, mais il va sortir. Hein? Puis finalement, tout le monde va le savoir. Ça va prendre quoi? De toute façon, la rumeur de ça est sortie en même temps que la nouvelle des accusations. Comme quoi, il y avait plus qu'une victime, puis que c'était peut-être un tel. C'est la même rumeur qui sort aujourd'hui et dont personne ne semble douter. Ils vont même, dans quelques minutes, décréter le huis clos. Là, ils sont en train de discuter pour savoir combien de temps Guy Cloutier devrait faire en pénitence dans sa chambre à coucher à ne pas avoir le droit de sortir. Et les gens ne semblent pas croire qu'il finira par aller là où il mérite d'aller, c'est-à-dire en prison. Peut-être qu'on va le condamner à 2 heures d'entrevue avec Guillaume Lepage. Et que pour avoir 2 heures d'entrevue avec Guillaume Lepage, il va falloir qu'il enregistre 8 heures. Peut-être que ça va être ça, sa peine. Véronique devrait être bonne pour y arranger ça. Mais là, on va faire le huis clos dans quelques minutes, c'est-à-dire qu'on va sortir tous les membres du public, tous les journalistes. Tout le monde va sortir. Il va rester juste les avocats de la couronne et de la défense, l'accusé, puis le juge. Puis là, ils vont y raconter l'histoire de la deuxième victime. Parce que ça devient, il faut quand même que le juge sache qu'est-ce qui est arrivé. Alors, ils vont lui dire. Envoyez pas des messages en me disant, est-ce que la deuxième victime, c'est un tel? Si. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. J'entends les mêmes rumeurs que vous, puis je vous les dirai pas. Les gens disent, est-ce que c'est un tel? Est-ce que... Arrêtez ça tout de suite, là. Occupez pas mes emails avec des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Vos rumeurs sont aussi bonnes que les miennes. Puis ils viennent pas, probablement même pas de la même place. Mais, moi, si j'étais Jean-Paul Lallier à matin, là, je me poserais des sérieuses questions. Coudonc! Je suis pas tout croche, mais je suis encore tout proche. Pauvre Lallier. Ou encore, ou bien Lallier, c'est le gars le plus malchanceux du monde. Tout le monde autour de lui passe le temps à se faire poigner dans des sales histoires de cul. Donc c'est le gars le plus malchanceux au monde. Ou bien c'est le gars le plus chanceux au monde. Il a beau être avec tout ce genre de monde-là, lui, il n'y arrive jamais à rien. Il est propre, propre, propre. Mais il est proche, proche, proche, par exemple. Il est 12h47. Martin Paquette devrait, au cours des prochaines minutes, venir nous faire un petit bilan de ce qui est sorti. Mais disons que Guy Cloutier a surpris tout le monde en disant « Je plaide coupable. » C'était tout organisé d'avance. Puis là, la seule chose sur laquelle ils ne se sont pas entendus, c'est la peine. Et il y a des gens qui pensent que Guy Cloutier, c'est tellement un bon gars, il ne devra pas aller en prison. Attentat à la pudeur, agression sexuelle sur une enfant, tentative d'entrave à la justice et attentat à la pudeur sur une autre victime pendant 6 ans de temps. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Des voies de fait? Une agression sexuelle armée. Ça y a enlevé ça. Et l'accusation d'attentat à la pudeur contre une deuxième victime n'existait pas hier. Elle a sorti un matin à l'enquête préliminaire, puis il a plaidé coupable. Dré là. En d'autres mots, ça n'a pas juste jasé depuis des mois. Ça s'est conférencé pas mal fort, hein? C'est comme une pièce de théâtre qui tombe en place. Les comédiens font semblant qu'ils l'apprennent. Puis le public la voit pour la première fois. Mais j'ai l'impression que ça se discutait depuis un bout de temps. Philippe m'envoie une liste. Gilet, un ministre péquiste, Roson, un humoriste, Guy Cloutier. J'ai enlevé des noms, là, mais il y a les bons noms, nous aussi, là. J'ai laissé ceux qui ont été devant la justice publiquement. On les a, les chefs-d'œuvre, à surveiller dimanche, à tout le monde en parle. À midi, à TQS, on parle de vidéo poker. Robert qui est allé faire de la sauce à spaghetti, Cloutier qui va aller en thérapie. Il y a un Roson, troisième édition, qui se prépare. Oubliez pas que c'est la même procureure de la Couronne que dans le dossier Roson. Une petite madame. Enfin, moi j'ai perdu un peu confiance, je ne sais pas vous autres. Et j'ai dit midi 47 tantôt, non, 11h47 tantôt. Pourquoi est-ce qu'il dit, hey, midi 47, 11h47, bonne fin de journée? Peut-être que je me suis trompé, je suis encore trompé en donnant l'heure tantôt. Il est 11h50. Et je vous reviens, ça sera pas long. Une bonne santé commence avec de l'air pur. Pour un nettoyage de votre ventilation par de vrais spécialistes, contactez Sinisco. Résidentiel, commercial, industriel, recommandez CAA Habitation. Sinisco, de vrais spécialistes en qualité de l'air. 681-2231. La tradition en novembre chez Ashton, les généreuses assiettes en sauce à 4,44. L'assiette Expo ou roast beef de luxe ou hamburger show à un seul prix, 4,44. Toutes servies avec les frites maison coupée à la main, cuite dans une huile sans cholestérol, nappée de la fameuse sauce maison. Laissez-vous tenter pour un léger supplément, transformer votre portion de frites en poutine. L'assiette à 4,44 seulement pour un temps limité chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Grâce à Métivier Toyota de Lévis, conduis une éco berline ou hatchback 2005 pour seulement $5.55 par jour. À ce prix-là, pourquoi prendre le bus? $5.55 par jour pour une éco qui n'est jamais en grève, qui ne vous fait jamais attendre et qui est disponible 24 heures sur 24. La éco est la plus économe d'essence de sa catégorie. Une éco à $5.55 par jour. Ça ressemble drôlement au prix du bus. Seulement chez Métivier Toyota, route Kennedy à Lévis. À $5.55 par jour, t'as fini d'attendre le bus. C'est fini le désordre. Les entrepreneurs, les commerçants, ceux qui ont des problèmes de rangement et de présentoir, ont un sauveur. Les équipements EBM. Dans le neuf ou l'usager, le tout en métal, avec ou sans tiroir, rangez n'importe quoi, ils ont une étagère pour vous. Sinon, ils vont la fabriquer. Seul distributeur des produits Schaeffer au Québec, les équipements EBM. 4750 boulevard de la Rive-Sud, Lévis, 835-3982, ça vaut le déplacement. Jusqu'à lundi, le 22 novembre, le Jardin Mobile offre sa sélection de fruits et de légumes frais au meilleur prix. Les ananas mûris sur le plan, $1.97 chacun. Les avocats Haas à 2 pour 97 cents. Et les bananes à 27 cents la livre. Et d'autres spéciaux. En plus, un concours. Plus de $12,000 en prix à gagner, comme un bon d'achat de $5,000, ameublement Tanguay. Propreté, fraîcheur et services attentionnés, le Jardin Mobile, des gens de chez nous, près de chez vous. Elle veut qu'il l'amène au 7e ciel. Il veut s'envoyer en l'air. Il désire la même chose. Un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. Offrez un cadeau différent, stimulant, enlevant. Un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. Ça se donne bien, mais ça se demande aussi. Mets-le sur ta liste. Un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. Il veut pas la lune, il veut le ciel. Donnez-lui un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. 659-1234. Montgolfière Aventure. 659-1234. Vous avez subi un dégât d'eau? Pour éviter toute complication, confiez le nettoyage à Sinisco. Leurs spécialistes prendront les choses en main et vous pourrez passer à autre chose. Recommandez CAA Habitation, Sinisco, pour une maison saine et sèche. 681-2231. Pendant que le Québec se fait à l'idée que Guy Cloutier est un criminel, un agresseur sexuel, de victimes nombreuses, pas uniques, de plus qu'une victime, et que Jean-Paul Lallier devra se demander, mais qu'est-ce qui arrive avec ma gang d'amis? Je subventionne Robert Gillet, il se ramasse en cour, puis il est trouvé coupable. Je subventionne Guy Cloutier, il se ramasse en cour, puis il plaide coupable. Mon Dieu, il serait peut-être temps que M. Lallier revise sa liste d'amis, puis son carnet mondain. Peut-être qu'il n'a pas nécessairement le don de choisir ses amis de façon judicieuse. Les gens aussi vont se rappeler de Guy Cloutier à un gala de la disque, hein, qui était arrivé devant tout le monde et qui avait dit « Vous me connaissez même peut-être pas, mais vous allez tous travailler pour moi à un moment donné. » Ou quelque chose d'apparenté à ça. Puis c'est vrai, Paul, en plus. Puis ça va être drôle aussi de voir à Radio-Canada les petits amis de Véronique, là, comment ils vont faire semblant d'esquiver la question. J'ai hâte de voir s'il va réussir à ne pas aller en prison. En fait, j'ai hâte à bien des affaires. Je trouve qu'il y a un paquet de choses assez fascinantes dans ça. Pour l'instant, la vie continue. Et les États-Unis, sur le monde financier, ont été surpris d'apprendre au lever du lit ce matin que deux géants de la vente au détail, Kmart et Sears, sont en train de décider une fusion de 11 milliards de dollars US. Richard Brunet est conseiller en placement à la Financière Banque Nationale. Bonjour Richard. Bonjour. Est-ce que tout ça parce qu'ils ont peur de Walmart? En grande partie. Il faut faire un rappel. Bref, écoutez, Kmart, là. Qui aurait dit il y a 10 ans passé que Kmart achèterait Sears? Qui aurait dit il y a 3 ans que Kmart achèterait Sears? Parce que c'est un peu ça qui est lancé aujourd'hui. Parce qu'il faut se rappeler que Kmart a été en faillite. En début, ils sont mis sous la protection de la loi de la faillite début 2002. Ils ont fermé 600 magasins, mis à pied 57 000 employés de Kmart, cancellé les actions en bourse, ça valait plus rien, hein? Et ça a été repris pour une bouchée de pain au niveau de la dette par un dénommé Edward Lampert, qui lui a remonté ça et sorti de la protection de la faillite en mai 2003. Imaginez, ça fait pas bien longtemps. Et au mois de mars 2004, il faisait son premier trimestre profitable, évidemment, après avoir éliminé la dette, éliminé les employés, éliminé les magasins, coudonc. Ouais. Et là, aujourd'hui, coup de théâtre, il propose d'acheter Sears Roebuck et de fusionner les deux de façon à créer le troisième plus gros retailer américain. Derrière Walmart, qui a 260 milliards de ventes. Home Depot en a juste 65 milliards de ventes. Et ici, la compagnie combinée aura à peu près 55 milliards de ventes. Mais voyez comme Walmart à 260 milliards est loin devant. Ouais. Où sont les revenus 2003. Mais là, Kmart et Sears, qui achète qui, là? Ben, c'est Kmart qui propose d'acheter Sears pour combiner les deux, finalement. Alors, c'est une bonne nouvelle aussi pour les actionnaires de Sears. Honnêtement, ça fait monter le titre de 10$ à 55$. C'est un titre qui avait périclité sur des moins bons résultats dans les 12 derniers mois. Les 6 derniers mois, notamment, avaient été beaucoup moins bons chez Sears au niveau du commerce de détail. Et le titre avait baissé jusqu'à 34-35$. Ce qui m'intrigue beaucoup, par exemple, parce que c'est une drôle d'affaire, il y a deux semaines, une compagnie d'immobilier qui est reconnue comme étant un très bon investisseur avec le nez très fin. Ils ont acheté des actions de Sears, 4% des actions totales de Sears, dans le coin de 34-35$, il y a 2 semaines. Quand ça a sorti, ils prétextaient qu'eux autres voyaient une valeur très importante dans l'immobilier, tous les magasins, tous les sites commerciaux qui étaient propriété de Sears Roebuck, et qui pensaient que ça valait beaucoup plus au niveau de l'immobilier qu'au niveau de la valeur du commerce de détail. Et ça, c'est très curieux d'après moi, parce qu'il y a 2 semaines, on doit présumer qu'une transaction de 11 milliards de dollars, elle était en route, ouais. Elle était en préparation, elle était dans le boiler room, ouais. Comme on dit. Alors moi, je suis bien intrigué de voir cette compagnie Vornado, là, qui semble-t-il, pour le bénéfice de l'immobilier, la valeur cachée de l'immobilier, et là, juste 2 semaines avant, ça paraît drôle un peu, là, honnêtement. Parce que le 34-35$ qu'ils ont payé, quand ça a été annoncé, le stock de Sears a monté à 45$, parce que bien des analystes disaient, ben, si on prend l'immobilier de Sears, oui, effectivement, l'action pourrait valoir 55 à 57 $. Et là, on était à 44, 45 $ hier. Aujourd'hui, c'est à 55 $. C'est un gain de 10 $. Alors, l'investisseur américain de Vornado en question, lui, il vient de faire 20 $ sur ses actions. Il vient de faire une fortune en l'espace d'à peu près 2 semaines. Et les gens de Kmart avaient déjà 13-14% des actions de Sears. Je suis en train de décrire des manipulations sans utiliser le mot. Non, c'est pas ce que je dis. Voyons, vous me Ah bon, ok. Vous mettez des mots dans ma bouche. Alors comment c'est un drôle de hasard. Comment peut-on profiter de cette transaction? Alors, vous touchez plus à ça. Là, c'est l'argent est fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait aujourd'hui participer à ça. Il paye le gros prix, c'est trop tard. Là. Il faut pas. C'est vraiment une transaction qui maintenant est pleinement évaluée. Ça va être un échange qui va être évalué à peu près à 50 $ et déjà le titre de Sears vaut 55 $. Mais alors, au plan de l'image, moi je connais pas la finance, mais j'ai un petit faible pour les questions d'image. Associer une entreprise comme Sears, qui a des coquetteries de qualité, c'est là qu'est maintenant Martha Stewart, avec Kmart qui est associé à de la brimballe puis à de la cochonnerie depuis toujours, c'est les héritiers de Chris Guy. Est-ce que il y a quelqu'un qui perd là-dedans? Là? Ouais, ben en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder les deux marques de commerce distinctes, les deux opérations distinctes. Donc, vous me dites, ben, en fait, les deux opérations, c'est pas vrai. Toute l'administration et les achats vont être regroupés, évidemment, pour bénéficier des... Et ça veut dire, attention, il y a des plus puis il y a des moins. Tous ceux qui sont fournisseurs de Sears et de Kmart, watch out. Si Sears a 3 fournisseurs pour un produit quelconque et que Kmart a 3 autres fournisseurs, attention, il y a quelqu'un qui va perdre un gros client, là. Alors, les compagnies qui fournissent à ces deux entités-là, ben tant mieux. Mais si on fournit juste à l'une, ben là, on est peut-être dans la misère. De l'autre côté, là, vous allez rire, un des titres qui monte là-dessus, c'est l'action du groupe Martha Stewart Omnimedia. Parce que pour eux, ça veut dire... C'est en prison, sacrement! Oui, ben voyez-vous comme c'est ironique. Alors, dans cette saga-ci, je vous dirais que j'ai une conclusion. Vous touchez pas à ça. Maintenant, parce que l'argent est fait. 2, tous les fournisseurs en dessous, on doit se méfier. J'en achèterai pas. Et 3, je regarde la liste des grands, grands commerçants au détail américains. On a Walmart, Home Depot, on va avoir Kmart et Sears combinés. Kroger, il y a Target. Moi, je vous dirais, là, Target est une très bonne entreprise. C'est un titre performant. J'aime beaucoup plus leur format que celui de Walmart, honnêtement, personnellement, comme consommateur. Alors, je regarde Target puis Costco. C'est là qu'il faut se poser des questions. Côté, s'il y avait quelque chose à faire, c'est peut-être dans celle-là. Une combinaison, hein. Rêvons un peu. Une autre méga combinaison, Target serait une belle cible pour faire un jeu de mots facile. Qu'est-ce que Walmart va faire face à ça aujourd'hui? Ils vont hausser les épaules puis ils vont passer à autre chose? Oui. Eux, ça les dérange pas. Ils sont beaucoup trop gros. Ils sont 4 fois plus gros que leurs plus proches concurrents. Ce qui est non négligeable. Ils sont plus gros que General Motors. J'ai l'impression que oui. Ah, c'est la plus grosse compagnie aux États-Unis, Walmart, maintenant. En termes de, oui, ben ça dépend si on parle en termes de vente ou en termes de capitalisation boursière, mais je pense que dans les deux cas, je vous reviendrai avec ça, c'est une question intéressante. Okay. Mais ne gageons plus sur celui dont le mariage n'est pas consommé, mais à tout le moins les fiançailles sont annoncées. Fait que là, il n'y a plus de surprise. D'après moi, il n'y a plus beaucoup de sous à faire là. Parce qu'en fait, le commerce de détail va être encore plus concurrentiel. Essayons de voir et d'imaginer qui pourrait gagner à se fusionner pour faire face à ça. Et Target, d'après moi, est un titre à surveiller. Est-ce que vous avez entendu la même nouvelle que Martin Paquette ce matin, Richard, à l'effet que les enquêteurs américains auraient mis la main sur un gars de Nortel qui a en main de la documentation qui indiquerait des malversations boursières? Je n'ai pas cette information-là, mais des clients à moi ce matin m'ont parlé de cette information-là, même que en 99, il semble que une personne proche aurait même transmis de l'information à la Security Exchange Commission. C'est de lui qu'on parle. Et si c'est le cas, je comprends pas la Security Exchange Commission. Il y a quelque chose qui marche pas là. Ouais. Il y a quelque chose qui marche pas parce que c'est impensable que, mettons que la Commission des valeurs mobilières américaines aurait eu de l'information à cet effet en 99 qu'il n'aurait jamais agi. Je trouve ça un peu... Mais est-ce que ça se peut que quand une compagnie est à cheval sur la frontière, l'autorité canadienne dit les Américains s'en occupent, puis l'autorité américaine dit les Canadiens s'en occupent, puis le calvaire, il passe comme un savon dans le bain? Non. Security Exchange Commission, là, tout ce qui est listé aux États-Unis, tout ce qui est coté, immortel, l'était, l'est encore, peut-être jusqu'au 15 décembre, on ne sait pas. Non, c'est sous de la supervision. La Security Exchange Commission ne délègue aucun pouvoir sur cette... Oui, je comprends ça, mais assumer que, ouais, on peut, il n'y a pas d'urgence, les Canadiens s'en occupent, pas parce qu'ils ont délégué, mais parce que l'entreprise est canadienne, elle est cotée sur la bourse de New York et de Toronto en même temps, est-ce que ça peut pas laisser à des fonctionnaires qui se cherchent toujours des occasions de ne pas travailler, une excuse de dire, ben garde, on va laisser les Canadiens pogner, là, parce qu'on interviendra? C'est une possibilité, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ils sont beaucoup plus sévères qu'ici depuis bien longtemps. Mais c'est une possibilité. Les Américains sont plus vigilants quant aux hommes d'affaires véreux en bourse? Oui. Ah oui? Ben, en fait, qui plus est, ils vont, vous allez voir, les premiers à être inculpés, mis en prison, c'est aux États-Unis, là, c'est pas ici, là, personne ici, il se passe pas de choses comme ça ici. Non, c'est pour le moment. Non. Pour le moment. Ben oui, mais c'est parce que nous autres, on juge du monde honnête. Et on peut pas présumer, dans le discours qu'on tient, vous et moi, qu'à date, il y a quelque chose de prouvé dans leur tête. Non, mais la journée qu'on va trouver un criminel, on n'aura pas de misère à trouver une victime, par exemple. Oui. Hein? Oui, voilà. Salut. Merci, au revoir. Un gros merci. Il est 12:05. Mon nom est André Arthur. La station, c'est CKNU, puis CIMI. Mon numéro de téléphone, c'est le 670-1009. Ça sert à rien de m'appeler, pas dire. Mais c'est qui serait la deuxième victime de Guy Cloutier? C'est-il lui? Hey! Pensez-vous que je peux vous répondre? Mettez-moi pas dans la merde. Parlez de ça avec votre beau-frère. Vous pouvez pas parler de ça avec un gars de radio. Ils sont à peu près 22 à nous surveiller, juste pour être certain qu'on s'en verge. Merci, à tantôt. Salut, je m'appelle Marteau et j'aime le poulet. Chez Fusée, il y a un choix de chef à partir de seulement 4,95. Réserve ton party de Noël chez Fusée, puis tu pourrais le gagner. Détails en succursale. Offrez-vous le VTT de vos rêves avec la promotion VTT de mes amis de La Vertu Équipement et des centaines de dollars en cadeaux. Si vous achetez le VTT Honda 2004, Foreman 400 ou 450 ou Rubicon 500, vous recevez le treuil, le pare-brise et un ensemble de freinage. Paquet cadeau Honda qui vaut 1 400 $. En affaires depuis plus de 40 ans, La Vertu Équipement, dépositaire Honda, 4 rue Saint-Augustin, Bréquéville, 832-6143. Messieurs, Anapharm est une entreprise de recherche sur les médicaments qui recrute actuellement des hommes âgés entre 18 et 55 ans, non fumeurs, ne prenant aucun médicament pour participer à l'étude 40-111. Indemnité compensatoire de $750. Contactez l'équipe Anapharm au 418-527-3476 ou visitez notre site web au www.anapharm.com. Anapharm 527-3476. Fournier Chevrolet Haussmobile vend énormément de véhicules et voulez-vous savoir pourquoi? Ben c'est que les clients adorent être rassurés par la politique du prix Fournier. Qu'est-ce que c'est? Le prix Fournier, c'est l'engagement de Fournier Chevrolet Haussmobile à toujours vous faire profiter de la meilleure offre annoncée par n'importe quel concessionnaire GM. Clair, simple. Ça, c'est le prix Fournier. Fournier Chevrolet Haussmobile, autoroute de la capitale, à la sortie Pierre-Bertrand. Pour ne pas souffrir des grands froids de l'hiver, vous pouvez toujours rester à l'intérieur. Ou vous pouvez choisir, au Charlemagne, un manteau qui va vous garder bien au chaud. En ce moment, 20% de rabais sur les parkas Hodvik. Réputés pour leur confection impeccable, les parkas Hodvik vous amèneront jusqu'à moins 40. C'est parfait pour le plein air, c'est parfait pour les grands froids. Les parkas Hodvik, 20% de rabais jusqu'à dimanche. Après, ça sera trop tard. C'est le Charlemagne. au Carrefour Charlebourg. Le merveilleux monde des étalons lipisants est de retour à Québec, samedi le 20 novembre prochain à 14h et 19h30 au Colisée Pepsi. Venez admirer la grâce et les prouesses acrobatiques de ces magnifiques purs sang blancs comme neige. Voyez le summum de l'art équestre, une occasion unique d'assister à l'un des plus grands ballets équestres de l'histoire. Les étalons lipisants, en tournée mondiale, une expérience formidable pour petits et grands. Billets en vente à la billetterie du Colisée au 691-7211 et dans le réseau Billettech. Le nombre de petits problèmes qui peuvent être réglés par un bon verre d'eau. La fatigue, les maux de tête, la peau sèche, un manque de concentration. Prenez un verre d'eau, vous repartez à neuf. Encore faut-il que ce soit de l'eau de qualité. Les produits Colligan, qu'on loue ou qu'on achète, qui vous assurent une eau savoureuse et sans odeur, en quantité illimitée dans chaque robinet de la maison. Colligan est à votre service depuis 50 ans, à 681-4605. Pour un vrai Noël, ça prend les carillons. Ça prend aussi la chorale. Mais pour un vrai Noël, ça prend surtout de l'électronique. Pour saisir tous les moments magiques, ça vous prend la caméra numérique Panasonic avec zoom intégré à seulement $279. Et 36 versements pour payer dans tous les tanks électroniques. Allô, au département des ventes. Hey, as-tu la nouvelle? Capital Nissan numéro 1! Monsieur? Voyons! Capital Nissan était le concessionnaire numéro 1 encore le mois dernier, puis ils sont ceux qui vendent le plus de Nissan à Québec cette année à date! Capital Nissan est numéro 1. Pour célébrer, nous sacrifions les Pathfinder et Maxima 2004. Vous pouvez enlever jusqu'à 4 000 $ sur le prix de détail suggéré, ce qui veut dire que votre Path flambant neuf est à seulement 31 000 $ et votre Maxima flambant neuf à 33 000 $. Ou Capital Nissan dit que vous pouvez encaisser ou conserver le rabais. Vous devez voir les nouveaux modèles 2005 en stock maintenant. Contracteur et entrepreneur, vous recherchez un nouveau camion, obtenez la qualité japonaise et les prix de domestique. Le pick-up cité en pleine grandeur commence à 29 500 $ et peut être loué à 1,9% 48 mois. Ouais, Capital Nissan, c'est les meilleurs! Ils m'ont sorti de mon bail! C'est vrai, Capital Nissan va vous sortir de votre taux actuel, quel que soit le montant que vous devez, et inquiétez-vous pas pour votre crédit. Hey, sois surprenant, ils sont les numéros 1! Vous avez fait de Capital Nissan le numéro 1, venez célébrer avec les plus gros rabais jamais consentis. Coin Capital et Pierre Bertrand. Allez chez Capital Nissan et repartez avec une nouvelle auto. Elle veut qu'il l'amène au 7e ciel. Il veut s'envoyer en l'air. Il désire la même chose. Un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. Offrez un cadeau différent, stimulant, enlevant. Un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. Ça se donne bien, mais ça se demande aussi. Mets-le sur ta liste. Un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. Il veut pas la lune, il veut le ciel. Donnez-lui un certificat cadeau de Montgolfière Aventure. 659-1234. Montgolfière Aventure. 659-1234. Colloque intéressant à Québec, portant sur la gestion de risques. Ça sera le fun de définir c'est quoi l'idée, là. Et c'était l'occasion, ça se passe d'abord au campus Notre-Dame-de-Foy, colloque international sur la gestion des risques. Et parmi les gens qui se sont levés pour parler, le responsable des communications du service de police de Québec, André Filion. Capitaine Filion a dit, si je me fie au rapport de presse, vous savez, dans les grands événements, il faudrait donner plus d'informations. Monsieur Filion, bonjour. Bonjour, M. Arthur. Ça va à rebrousse-poil de toute la formation des policiers pour qui le journaliste, c'est un adversaire, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Si tu couvres ton cul convenablement, tu parleras pas au preneur de notes parce que ça, c'est dangereux. Où est-ce que vous allez avec votre discours? Parlez-moi de ça un peu. Vous avez raison. Si je recule de plusieurs années, ma première formation au niveau des communications, je me rappelle, la firme privée m'avait dit... en parlant des journalistes, je pense qu'il faut nourrir la bête. Il avait qualifié ça de cette façon-là. Il faut lui donner à manger de temps en temps, sinon ils vont graffiner partout. Mais j'étais resté un petit peu marqué avec ces éléments-là, mais au fil des années, au fil du temps, on s'aperçoit que je pense, lors d'événements majeurs, je parle pas de faits divers, M. Arthur, mais je parle d'événements majeurs. Oui. Bon, de catastrophes, d'explosions, de déversements, d'écrasements, pensez à tout ce qui peut arriver. Je pense que les médias locaux, locaux doivent être un partenaire quand ça arrive. On a tous un peu un rôle social à jouer quand ça se produit, ces choses-là, de sécurité, d'information. Puis c'est important que les médias locaux se joignent au centre de coordination pour être capables de livrer les bons messages. Mais je pense qu'on deviendrait beaucoup plus crédible et le message d'autant plus serait vraiment clair parce que chacun connaîtrait la nature du problème et ce qu'il faut faire un peu, soit pour sécuriser, pour contourner des routes, pour des produits déversés. Je pense que les messages, ils seraient vraiment cohérents avec la nature et avec l'événement qui se passe. Mais même dans le gros fait divers, oui. Lorsque vous avez une situation critique, oui. Que vous avez besoin de l'aide de la population, à la limite pour attraper un criminel, mais au moins pour que la sécurité de tout le monde ne soit pas mise en danger, les médias sont là, la bête a faim, puis si vous la nourrissez, vous allez en avoir votre effort. Vous avez raison. Puis je pense que, écoutez, au fil des années, la police a énormément changé. Moi, je me rappelle quand je suis rentré, si on savait qu'il y avait un média à l'avant, on sortait vers en arrière, puis on se cachait des ondes, puis il fallait pas être vu, puis on partait d'un endroit secret, ça avait même pas de bon sens. Mais au fil du temps, je pense qu'il y a plein de choses qui ont changé. On s'aperçoit que souvent, on en a besoin, pas souvent, mais dans nos façons. Regardez, on parle d'une jeune fille disparue, on parle des gens recherchés sur mandat, on s'en sert de la presse, on s'en sert des médias, mais moi je pense que souvent l'agent de relations publiques est utilisé par les services, lorsqu'on est obligé de se réunir plusieurs organisations en même temps, on utilise nos gens dans nos organisations parce que souvent on ne sait pas tout ce qui se passe, on ne connaît pas tous l'ampleur ou des stratégies qui vont être déployées, puis on nous demande d'aller livrer cette information-là aux médias pour être crédible puis livrer des messages. Mais si on n'a pas toute l'information, comment vous voulez d'abord qu'on la livre de façon correcte et éclairée? Fait que déjà là, il y a une problématique interne qu'il faut, je pense, régler. Et par la suite, aller beaucoup plus loin que ça, faire participer les gens des médias à des stratégies quand il y a une problématique qu'il faut, je pense, régler ou une problématique qui doit aider à sécuriser des gens ou en tout cas, peu importe, dépendamment de l'événement aussi, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait actuellement. En fait, là, accepteriez-vous ce qu'un de vos prédécesseurs disait que l'officier de communication dans une entreprise de police, pour les policiers, c'est un journaliste, pour les journalistes, c'est un policier. Moi, je pense que c'est vrai un peu. Écoutez, si on livre pas le même message, tu sais, dans le fond, là, on dit que la police n'est pas crédible. Crime qu'ils disent des choses des fois, mais d'abord, il faut connaître la vraie nature du problème. Puis si on la connaît, pourquoi on fait pas participer le journaliste local à bien comprendre la nature et vers où on doit aller pour le rôle social, dépendamment des organisations qu'on a à jouer? Moi, je pense que oui. Par contre, il y a un risque. Vous savez que les entreprises de presse, de plus en plus concentrées, réduisent de plus en plus leurs efforts en main-d'œuvre. Vous n'avez pas, à Québec, la moitié des journalistes que vous aviez dans les années 70, ouais. Et les entreprises de presse, à force de se concentrer, ont réduit de beaucoup la quantité de journalistes pratiquants qu'il y a en ville et les efforts qu'on fait. Moi, je me souviens qu'il n'y a pas si tant longtemps, chaque grand média de Québec avait deux spécialistes du fait divers, oui. Faisaient de la couverture quasi-policière, avaient des moyens de communication, roulaient partout, roulaient de nuit, oui. Faisaient le... Maintenant, on appelle dans vos bureaux, oui. Et on se fait faire des reportages par des polices. C'est vrai. Je me demande si vous n'êtes pas en train de tomber dans un piège, que c'est trop facile de se faire décrire un accident par un policier, de se faire dire, ben voici le porte-parole, il va vous raconter, voici le reportage du capitaine Fignon. Oh oui, vous avez raison quand vous dites ça, c'est tout à fait vrai. Je me rappelle très bien de ces situations-là où on était d'abord, on avait un lien de communication qui était les ondes radio, vous vous rappelez bien de ça. Ouais. Donc tout le monde était à l'écoute de ce qui se passait. Maintenant, on est devenu avec des systèmes plus sophistiqués. Et même, on transmet par micro-ordinateur les plaintes et les dossiers. Bon, peut-être qu'on a provoqué cet état de choses-là, c'est sûr, mais si on le provoque, il faut être capable d'y répondre, il faut être capable d'être plus près et d'être beaucoup plus transparent qu'on l'actuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre pour dire que les pompiers sont un modèle en cette matière? Ils se vantent de leur travail, ils veulent qu'on soit là, ils gardent leurs ondes ouvertes, ils nous disent ce qu'ils font. Les grands corps de pompiers du monde entier sont totalement accessible. Les casernes sont faciles à visiter. Vous pouvez aller sur Internet, vous connecter à la radio des pompiers de Manhattan et les entendre opérer 24 heures par jour de n'importe où dans le monde. Il n'y a pas... Et évidemment, eux, leur problème est différent. Ils n'ont pas besoin de se cacher une opération pour aller pogner un bandit. Ils se cachent, ils n'ont pas d'undercover pour aller au feu, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un modèle là-dedans? Écoutez, il y en a eu de proposés. Je pense que, regardez, là, la saison des tempêtes, elle va commencer. Là, les routes bloquées, puis les routes qui vont être glacées. Puis, donc, je demande pas mieux, moi, que les journalistes soient au courant de ce qui se passe plutôt que de, le matin, là, de faire le roundup puis d'expliquer. Puis la ville, elle commence à être grande. Là, on va parler d'Haute Saint-Charles, on va parler de Beauport. Donc, comment vous voulez qu'un agent de relations publiques, quand il arrive le matin, qu'il ait pu faire les contacts à travers tout ça? La plus belle facilité, ce serait justement que les journalistes puissent entendre ce qui se passe et quelles artères ils vont être congestionnées. Je pense que ça, je comprends mal pourquoi actuellement on est encore à cette étape-là. Ça, c'est sûr. Mais le numérique est entré en ligne de compte. Puis on s'est dit, bon, ben pourquoi jouer ces fréquences radio? Pourquoi, quand il y a une opération spéciale, être obligé de transférer? Après ça, les micros véhiculaires sont aussi arrivés, de sorte qu'on transfère beaucoup de choses là-dessus. Mais il y a sûrement un terrain d'entente qui est peut-être envisageable. Je sais qu'il y en a eu de proposés. Où c'est rendu présentement, je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça serait de bonne aloi de regarder jusqu'où on peut aller là-dedans. Merci, M. Fillon. Mais ça m'a fait plaisir. Au revoir. Le capitaine André Fillon est responsable de tout le système de communication avec le public du service de police de la ville de Québec. Moi, j'ai le souvenir, puis vous aussi comme auditeur, des grandes périodes de couverture des événements à Québec, que ce soit avec José Mathieu, ou par la suite avec d'autres, avec Claude Leclerc. En fait, on couvrait nous-mêmes et on faisait confirmer. Le rôle des policiers communicateurs était très souvent d'établir le contact. Il y avait eu un crime, il y avait une enquête. Le communicateur policier disait, ben ça, c'est le détective un tel qui fait cette enquête-là, je vais essayer d'obtenir une rencontre avec vous. Il allait voir le détective, puis il disait, le journaliste veut parler, voici de quoi tu dois te méfier. Puis il revenait au journaliste en disant, le détective va vous parler, mais voici les sujets sur lesquels il pourra pas vous parler à cause de l'enquête. Et là, il y avait une entrevue qui se faisait. À la limite, il y avait Joe Hardy. Pas le coach de hockey, le vrai journaliste, Joe L. Hardy, je pense. Je pense que je vous ai déjà raconté cette anecdote-là. Moi, j'adore cette anecdote. Elle est pour moi le symbole de ce qui doit être un journaliste de faits divers. Joe L. Hardy avait fait sa carrière au Soleil, à l'événement journal. Y a-t-il des gens qui se rappellent l'événement journal? Te rappelles-tu de l'événement journal? Non. Ceux qui ont encore le nombril vert ne s'en rappellent qu'à peine. L'événement journal était le Soleil du matin. Et le Soleil sortait à 5 heures l'après-midi. Et quand on a tué l'événement journal, on a amené le Soleil le matin. Le Soleil, c'était pas un journal du matin, ça. C'était un journal d'après-midi qu'on lisait en famille le soir après avoir écouté le chapelet à CHRC. J'exagère un peu. Et Joel Hardy, après avoir fait sa carrière au Soleil, est allé faire une nouvelle carrière au Journal de Québec. À un moment donné de sa carrière, et je crois que c'était à l'époque où il était au Soleil, c'était devenu une joke à Québec. Joe Hardy trouvait des dossiers que les autres journalistes avaient même pas deviné. Il les publiait avec aplomb, il savait tout. Et les policiers se demandaient, mais écoutons, comment il fait? Quand Joe Hardy entrait dans le bureau d'un monsieur Fillon ou d'un chef enquêteur, parce qu'à ce moment-là, les journalistes avaient leur bureau dans la centrale de police. Ils avaient un petit coin, là, où ils avaient leur pupitre puis leurs affaires, puis ils travaillaient là, comme ils travaillent au Parlement. Et Joe Hardy se promenait dans les bureaux, puis il connaissait tout le monde, un peu comme le petit frère Sauvageau. Il arrivait toujours avec des cadeaux. Quand il y avait des billets pour un spectacle, il y en avait toujours pour un tel puis un tel, je sais que t'aimes ça, et ainsi de suite. Et Joe Hardy, un jour, a révélé son secret. C'est que, au début de sa carrière, avant d'être journaliste, Joe Hardy avait été typographe. Le typographe est un métier qui n'existe pas, mais qui consistait à prendre les lettres d'un article et à les composer sur des petits tiroirs, de manière à ce que sur la presse, ça marchait et ça imprimait. Donc, pour que ça imprime à l'endroit, il fallait que les lettres soient composées à l'envers. Et, pour réussir à bien faire les choses, les typographes avaient un miroir dans lequel ils travaillaient pour voir à l'endroit ce qui était à l'envers. Mais pour que ça aille plus vite, beaucoup de ces gens-là avaient développé au long des années la capacité de lire à l'envers. Et Joe Hardy avait été typographe. Alors, il s'assoyait devant un policier enquêteur, dont les dossiers étaient sur sa table. « Comment va ta femme? Les enfants à l'école? As-tu trouvé un chalet pour l'été? Penses-tu d'aller en voyage cet hiver? » La conversation était interminable et pendant ce temps-là, Joe Hardy griffonnait le bout de son papier de tout ce qu'il lisait à l'envers sur les papiers du policier. On est loin de l'attitude paresseuse et désinvolte des journalistes plus jeunes que moi, qui téléphonent au corps policier, qui demandent à quelqu'un de raconter l'événement, qui prennent des notes et qui le répètent. On en est loin. Je pense pas que le service au lecteur, à l'auditeur et au téléspectateur se soit beaucoup amélioré, par contre. D'autant plus que on a maintenant, très souvent, un point de vue exclusivement policier. La preuve, c'est que quand on essaye de comprendre pourquoi deux camions remorques se heurtent de plein fouet dans le parc des Laurentides, on a deux sources de communication. On a la Sûreté du Québec qui dit perroquet gouvernemental, mais compréhensible, ils n'ont pas ajusté leur conduite aux conditions routières. Et on a un valet de pied du gouvernement qui s'en va prendre son appareil Fisher-Price pour faire du radar le lendemain, son tirador Fisher-Price, pour dire « Oh, c'est épouvantable, le monde va vite ici. Oui, mais il fait beau, il fait clair, il fait jour. » Mais ce qu'on a eu aussi, c'est des gens qui étaient sur place, qui nous ont téléphoné, qui nous ont donné l'information et qui nous ont donné l'occasion de faire un métier en apprenant des choses que parfois les gens puissants, les gens importants, la haute ville, ne voudraient pas qu'on sache. Mais c'est certainement pas en appelant au gouvernement, puis en demandant s'il y a quelque chose de neuf, qu'on va avoir des informations pour expliquer qu'il y a un problème au gouvernement. Vous n'entendrez jamais le porte-parole des pompiers dire « on est arrivé 15 minutes en retard ». Le seul qui peut le découvrir, c'est celui qui était là puis qui couvrait les feux. En d'autres mots, où est José Mathieu quand on a besoin de lui? Ou quelqu'un du genre? Ou quelqu'un qui fait le métier? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'attaque de l'Assemblée nationale. Mais à l'attaque de l'Assemblée nationale, n'eût été de Claude Leclerc, qui est maintenant réincarné sous le nom d'Alain Vézina, qui est devenu fonctionnaire. Les meilleures choses ont une fin. Ben, on avait... On était en onde, on parlait de n'importe quoi, il était 9h20 le matin. J'entends dans mon oreille le haut-parleur du radio-téléphone de CJRP dans le temps, et j'entends Claude Leclerc qui crie « Hey, ça tire ici !» au Parlement. Ça a été le début d'une émission spéciale qui a duré jusqu'à 4h30 l'après-midi. Mais si Claude Leclerc n'avait pas été là, on n'aurait pas vraiment su ce qui s'était passé. Et probablement qu'on n'aurait jamais su que les policiers qui ont risqué leur vie dans l'attaque de l'Assemblée nationale, c'était des policiers municipaux de Québec qui, par hasard, étaient arrivés là, devant le Parlement, et qui, à leur corps, en mettant à risque leur, au risque de leur vie, sont entrés dans l'Assemblée nationale et ont empêché les députés d'entrer dans l'Assemblée, dans la salle. C'est des policiers municipaux qui ont fait ça. C'est eux qui ont risqué leur vie, qui ont sécurisé la place et qui ont fait en sorte que des dizaines de députés, à l'heure convenue, ne sont pas entrés dans le salon pour se faire tirer comme des lapins. Et n'eût été de la présence des journalistes sur place, on ne l'aurait jamais su. Parce que dans les minutes qui ont suivi, la Sûreté du Québec est arrivée avec ses porte-paroles. Ils ont mis tout le monde à la porte et ils ont expliqué que eux, la Sûreté du Québec, contrôlaient la situation. Ça a pris des jours avant que même les policiers de la Sûreté du Québec s'aperçoivent que leurs prédécesseurs de la police de Québec, des minutes avant que la Sûreté arrive, avaient sauvé tout le monde. Mais ça n'a jamais été écrit. Parce que c'est pas comme ça que la nouvelle a été donnée. Mais si on n'est pas sur place, on le saura jamais. Fait que quand vous entendez, voici le reportage de Mme Mathieu, sachez que cette fille-là est vraiment chouette, qu'elle est compétente, qu'elle est dévouée, mais que c'est une policière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Il est midi 28. Une bonne santé commence avec de l'air pur. Pour un nettoyage de votre ventilation par de vrais spécialistes, contactez Sinisco. Résidentiel, commercial, industriel, recommandé CAA Habitation. Sinisco, de vrais spécialistes en qualité de l'air. 681-2231. Le chiropraticien que je n'ai pas besoin de vanter parce qu'il le fait lui-même est très bien. Sur www.cliniquedudo.com, rencontrez et apprenez à connaître Marc Drolet. Son expertise, sa clinique spéciale. Ce qu'il prône, lui, c'est la solution multidisciplinaire. Un mal de dos, ça s'attaque de bien des façons. Chiropratique, physiothérapie, massothérapie, acupuncture. La clinique du dos Marc Drolet au 2145 Chauveau-Neuchâtel à 847-1564. Une belle salle de bain, ça donne le goût de se prélasser. Ça remonte la valeur de la propriété. SR Manufacture. Des douches spacieuses, en verre trempé peut-être, des miroirs, des vitraux, du rangement pour les garde-robes, sur mesure et avec de la classe. Vous avez du goût? SR Manufacture en a aussi, avec l'expertise et toutes les idées possibles pour changer du tout au tout l'allure de votre salle de bain. SR Manufacture, 877-5722. Pas de criage, pas de musique tapageuse, pas de porte-parole. Chez Sainte-Foy Toyota, la vedette, c'est nos clients. Et ils seront heureux d'apprendre que chez Sainte-Foy Toyota, l'Eco Hatchback 2005 ne coûte que 169 $ par mois avec un comptant minime. Et la version berline est au même prix avec un léger comptant. La qualité n'a jamais coûté si peu. Et chez Sainte-Foy Toyota, attendez-vous au meilleur service après-vente parce que si c'est pas Sainte-Foy Toyota, c'est pas pareil. Angle Versant Nord et Henri IV. La tradition en novembre chez Ashton, les généreuses assiettes en sauce à 4,44. L'assiette Expo ou roast beef de luxe ou hamburger show à un seul prix, 4,44. Toutes servies avec les frites maison coupées à la main, cuites dans une huile sans cholestérol, nappées de la fameuse sauce maison. Laissez-vous tenter pour un léger supplément, transformez votre portion de frites en poutine. L'assiette à 4,44 seulement pour un temps limité chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Flash pub. Un bon vin, ça se fabrique même chez soi. Votre marchand vin expert, l'art du vin, en sait quelque chose. 3183 chemin Sainte-Foy. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. Pour l'autonomie d'une personne, les quadriporteurs de MediSelect, je vous en ai déjà parlé. Des véritables petites merveilles, en vente fin de saison, un prix ridiculement bas. À vous d'en profiter. Des quadriporteurs de très grande qualité, équipés comme des voitures, un bijou, mobilité, sécurité, comme autrefois. Il n'en reste que quelques-uns, au prix coûtant. Premier arrivé, premier servi, MediSelect, 623-33-53, 670 rue Bouvier, Québec. Vous avez subi un dégât d'eau? Pour éviter toute complication, confiez le nettoyage à Sinisco. Leurs spécialistes reprendront les choses en main et vous pourrez passer à autre chose. Recommandez CAA Habitation, Sinisco, pour une maison saine et sèche, 681-2231. Grâce à Métivier Toyota de Lévis, conduis une éco berline ou hatchback 2005 pour seulement $5.55 par jour. À ce prix-là, pourquoi prendre le bus? $5.55 par jour pour une éco qui n'est jamais en grève, qui ne vous fait jamais attendre et qui est disponible 24 heures sur 24. La éco est la plus économe d'essence de sa catégorie. Une éco à $5.55 par jour. Ça ressemble drôlement au prix du bus. Seulement chez Métivier Toyota, route Kennedy à Lévis. À $5.55 par jour, t'as fini d'attendre le bus. Salut, je m'appelle Marteau et j'aime le poulet. Chez Fusée, il y a un choix de chef à partir de seulement 4,95. Réserve ton party de Noël chez Fusée, puis tu pourrais le gagner. Détails en succursale. Jusqu'à lundi le 22 novembre, le Jardin Mobile offre sa sélection de fruits et de légumes frais au meilleur prix. Les ananas mûris sur le plan, 1,97 $ chacun. Les avocats Haas à 2,96 $ et les bananes à 26 $ la livre. Et d'autres spéciaux. En plus, un concours. Plus de 12 000 $ en prix à gagner, comme un bon d'achat de 5 000 $ ameublement Tanguay. Propreté, fraîcheur et service attentionné, le Jardin Mobile, des gens de chez nous, près de chez vous. Mangez italien et envolez-vous vers la République dominicaine. Comment c'est possible? C'est simple. Rendez-vous au restaurant Le Four de Beauport. Remplissez un coupon, jetez-le dans la boîte identifiée CKNU 100.9 et profitez-en pour déguster un succulent plat italien. Vous pourriez ainsi mériter l'une des 10 semaines d'hébergement pour 2 ou 4 personnes dans un luxueux condo à Puerto Plata. Et vous avez plusieurs chances. Il y aura un gagnant par semaine jusqu'au 3 décembre. Le restaurant Le Four, rue Clémenceau, Beauport, près du Cinéplex Odéon. Le Four, une cuisine italienne formidable. Bon, on va faire une autre pause. Pour ne pas souffrir des grands froids de l'hiver, vous pouvez toujours rester à l'intérieur. Ou vous pouvez choisir, au Charlemagne, un manteau qui va vous garder bien au chaud. En ce moment, 20% de rabais sur les parkas Hodvik. Réputés pour leur confection impeccable, les parkas Hodvik vous amèneront jusqu'à moins 40. C'est parfait pour le plein air, c'est parfait pour les grands froids. Les parkas Hodvik, 20% de rabais jusqu'à dimanche. Après, ça sera trop tard. C'est le Charlemagne, au carrefour Charlebourg. Grâce à Métivier Toyota de Lévis, conduis une éco berline ou hatchback 2005 pour seulement 5,55 $ par jour. À ce prix-là, pourquoi prendre le bus? 5,55 $ par jour pour une éco qui n'est jamais en grève, qui ne vous fait jamais attendre et qui est disponible 24 heures sur 24. La éco est la plus économe d'essence de sa catégorie. Une éco à 5,55 $ par jour. Ça ressemble drôlement au prix du bus. Seulement chez Métivier Toyota, route Kennedy à Lévis. À 5,55 $ par jour, t'as fini d'attendre le bus. Vous avez déjà remarqué jusqu'à quel point ça peut être impressionnant, un beau sourire, des belles dents. Ben, cela est possible pour vous grâce aux créations de Daniel Fauché, denturologiste. C'est pas une raison parce que vous portez des prothèses dentaires que ça doive paraître. Les prothèses belles et confortables, c'est ce que fait pour vous Daniel Fauché, denturologiste depuis 2 générations. Consultation gratuite, transport gratuit pour les aînés, 527-64-49, osez montrer vos dents. Salut, je m'appelle Marteau et j'aime le poulet. Chez Fusée, il y a un choix de chef à partir de seulement 4,95 $. Réserve ton party de Noël chez Fusée, puis tu pourrais le gagner. Détails en succursale. Pour être en bonne santé, il faut prendre soin de ses intestins, son tube digestif. Et les laboratoires suisses proposent Bactera Voyage. C'est une culture de yogourt probiotique qui équilibre le fonctionnement des intestins en fournissant les bactéries dont on a besoin. Bactera Voyage vous aidera à ne pas subir des dérangements intestinaux lors de voyages dans le sud et offre un excellent complément à une diète. Les cultures de yogourt probiotiques sont en pharmacie dans la section de santé suisse. Fournier Chevrolet Haussmobile vend énormément de véhicules et voulez-vous savoir pourquoi? Ben, c'est que les clients adorent être rassurés par la politique du prix Fournier. Qu'est-ce que c'est? Le prix Fournier, c'est l'engagement de Fournier Chevrolet Haussmobile à toujours vous faire profiter de la meilleure offre annoncée par n'importe quel concessionnaire GM. Clair, simple. Ça, c'est le prix Fournier. Fournier Chevrolet Haussmobile, autoroute de la capitale, à la sortie Pierre-Bertrand. Vous avez remarqué des cambriolages dans votre secteur? Des variations inexpliquées de vos inventaires? Des disparitions mystérieuses de certains biens? Vous ne pouvez pas tout surveiller. Alarme et Sécurité Attaque peut le faire pour vous. Passez maître dans l'art de protéger commerce, entreprise et industrie. Rien ne leur échappe. Ce sont les experts. Alarme et Sécurité Attaque. 688-2825. 688-2825. Une division de Microtech Sécurité. Si vous faites la liste des choses qui font la qualité de vie dans une petite ville de province, que ce soit Baie-Comeau, Thetford Mines, Donnacona, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, Rimouski, tôt ou tard, un des facteurs que vous allez examiner pour savoir si c'est un endroit de qualité, ça va être la présence d'une police municipale. Je vais à Thetford Mines. Pourtant, c'est une ville éprouvée. C'est une ville qui en a mangé des maudites volées, avec des mines qui ferment, des gens qui se chicanent, des murs de ciment qu'on frappe dans le développement. Mais il y a une qualité de vie à Thetford que vous ne pouvez pas démentir. S'il y a un accident, s'il y a un crime, les policiers municipaux connaissent les citoyens, habitent la ville et se comportent comme des citoyens intéressés à ce que la ville soit sécuritaire. Vous allez à Donnacona, où les policiers municipaux, dans une entreprise qui aurait dû les mener tous au chômage, se sont rendus intolérables à la population par des exactions, par des campagnes de tickets pas mérités, par des crimes qui ont été commis, par la fois qu'ils ont tué du monde en allant sur une alarme, c'est le dernier arrivé paye la bière, le motocycliste qui est mort. Rappelez-vous la fois où ils ont fait faire une enquête par la Sûreté du Québec pour faire arrêter leurs collègues pompiers parce qu'ils avaient vu de la bière dans le frigidaire du poste, puis ils avaient accusé le poste de pompiers d'être un débit de boissons clandestin. Vous rappelez-vous de celle-là? Vous rappelez-vous de la fois qu'ils ont fait venir le médecin du village pour constater la mort d'un bébé dans un accident d'auto, et que, ayant exigé que l'homme se présente pour constater le décès, ils lui ont crissé les menottes pour l'accuser d'ivresse au volant, parce que c'était sa journée de congé, puis il avait pris un gin de trop, au lieu d'aller leur conduire. Ils ont gagné. Ils sont rentrés dans la Sûreté du Québec, où ils continuent à être des imbéciles, mais mieux contrôlés, et rien à Donnacona n'a gagné du fait que, au lieu d'avoir deux chars de police qui patrouillent, on a maintenant un véhicule de la sûreté qui patrouille jamais, mais qui va de temps en temps venir en ville si une plainte est faite pour quelque chose. Dans mon livre à moi, c'est clair et net. Je me suis toujours demandé si les élus municipaux avaient assez de génie pour s'en apercevoir eux aussi. Et il semblerait que de façon fort salutaire, il y en a qui ont commencé à se poser des questions. Comme le maire de Waterloo, qui est le vice-président de la Commission politique, justice et sécurité publique à l'Union des municipalités du Québec, M. Paul Maas. Bonjour. Bonjour, M. Arthur. Je m'excuse de ma trop longue introduction, M. Maas, mais c'est tellement le fun de savoir qu'il y a finalement des élus municipaux qui se posent la question. Expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Bon, écoutez, moi, je me pose la question depuis 1996, avant même que l'administration qui m'a précédé abolisse sa police je dirais pas pour le bien de la Sûreté du Québec, mais pour se faire remplacer par la Sûreté du Québec. J'étais un citoyen, simple citoyen dans le temps, et je m'y suis opposé, mais ça n'a rien donné. Donc, notre municipalité est maintenant desservie par la Sûreté du Québec depuis 1997. Donc, on est un vieux client de la SQ, on est bien placé pour se plaindre. Qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez perdu? On a tout perdu, mais on n'a rien gagné. On a gagné quelque chose. Vous avez sauvé des sous. Ben oui. Mais sauver des sous pour avoir rien, on sait tous qu'on a toujours pour notre argent. Hein? Mais quand on nous a dit qu'on sauverait des sous, on nous a bien dit, le commandant Imbeau du temps, qui était dans la salle en même temps que moi, dans la salle du conseil, débattait avec moi derrière la salle, dans des micros différents, puis il disait, vous allez avoir exactement le même service, on va embaucher vos mêmes policiers, vous allez avoir tout le temps au moins deux voitures dans la MRC, dont une va être dans la ville de Waterloo, c'est ça l'entente. Sauf quand il y a eu le temps de la signer, c'est pas ça qu'ils ont signé. Ils l'ont même pas écrit comme ça? Ben non! Ils ont écrit qu'ils s'engagent à couvrir, à patrouiller le territoire. That's it, that's all. Maintenant, ils nous disent, le minimum garanti, c'est une voiture. Une voiture pour 487 km², 7 municipalités, dont deux sont urbanisés. Probablement que vous n'avez pas vécu une vague criminelle pour autant. Alors, qu'est-ce que vous avez perdu? Ben, écoutez, le 1er juin 2001, on a eu un meurtre ici à Waterloo. Un meurtre à Waterloo. C'est assez fort. Et les policiers nous ont dit, « Hey, on était là comme ça arrivait. » On descendait de la voiture, on a accroché le gars avant même qu'il commence à monter l'escalier pour se pousser. Sauf que le lendemain, on a appris l'histoire. 20 minutes auparavant, l'appel avait été lancé par une citoyenne qui était tannée du désordre qui était causé sur un banc public. Et eux étaient à l'autre bout du territoire. Ils sont arrivés 20 minutes après, mais pendant ces 20 minutes-là, il y a un tourlou qui a sorti de la banque, l'autre bord, puis qui a piqué le gars sur le banc. Fait qu'ils sont arrivés en même temps, mais s'il avait été là 20 minutes avant, il n'aurait pas eu de meurtre. Est-ce que les policiers de la Sûreté du Québec qui vous sont assignés habitent votre ville? Il y en a quelques-uns, ceux qui étaient des policiers municipaux auparavant et qui ont été intégrés dans les verts habitent Waterloo. Il y en a 2 ou 3, je crois. Parce que une ville considère toujours comme un atout d'avoir des citoyens policiers, ben oui, qui sont souvent des bons périscopes sur les activités douteuses qu'il y a en ville. Hein? Ben oui, ils rencontrent leurs concitoyens au supermarché, à la pharmacie, à l'église. Et c'est des citoyens, c'est des concitoyens. Il y en a un qui est médecin, puis l'autre qui est policier, puis l'autre qui est professeur d'école, mais c'est tous des concitoyens. C'est plus le cas maintenant. Je parlais de Thetford Mines comme étant mon exemple tantôt, M. Ouais. Mas. Vous êtes un gars plus à l'ouest. Est-ce qu'il y a des villes que vous enviez, les irréductibles qui ont résisté? Est-ce que vous les regardez? La plus irréductible, c'est Bromont. 5000 petits habitants, et ils ont décidé de garder le police. Tout le monde pensait qu'il était fou. Tout le monde pensait que la mairesse avait tombé sur la tête. Parce que ça va leur coûter 1,2 million, 1,3 million pour garder leur police. Mais savez-vous quelque chose? Quoi? Ils ont une qualité de vie. Les gens, Bromont se développe comme c'est jamais développé. Tous les gens convergent vers Bromont pour se bâtir des condos, des appartements, n'importe quoi. Et je suis sûr, persuadé, que la police, elle a un beau rôle à jouer là-dedans. Les gens vont se sentir en sécurité. Et c'est ce mot juste de sentiment de sécurité-là qui a disparu dans nos communautés avec l'avenue de la SQ. Au plan économique, je parle pas au plan politique et juridique, au plan économique, est-ce que vous auriez encore la capacité financière de vous redonner un corps de police ou si le coût deviendrait prohibitif de racheter des voitures neuves, de rétablir un cadre, de leur donner une structure, de leur trouver un local, de leur acheter un radio, de leur acheter leur équipement? Est-ce que cette montagne-là serait trop élevée? Non, elle ne serait pas plus élevée qu'elle l'est dans le moment. Si je regarde la ville de Waterloo et les trois municipalités qui l'entourent, on était prêt déjà en 1996 à faire une entente de service avec ces municipalités-là. Le ministre Perrault du temps avait refusé. Et si on la faisait aujourd'hui, ça nous coûterait à peu près 1,2 million pour avoir une police, et c'est le montant qu'on paye pour la SQ dans le moment. Est-ce qu'il n'y a pas, par contre, du côté des politiciens provinciaux, surtout séparatistes, le désir d'avoir une police nationale? C'est comme si on voulait investir le Labrador à un moment donné. Là. Ah oui. Moi, j'ai toujours vu ça. C'était le vœu du gouvernement précédent d'avoir sa propre armée. Mais la Constitution canadienne ne permet pas à une province d'avoir une armée, donc on va s'en habiller une en vert, puis c'est nous autres qui va mener. C'est ça, là. Et ils ont eu beau nous dire qu'on aurait les mêmes services dans nos municipalités, parce qu'ils intégreraient nos bleus dans leurs forces. Ouais. Sauf que quand nos bleus deviennent verts, ils deviennent sous l'emprise et la philosophie de nouveaux gourous. Et soudainement, ils agissent en vert. Ouais. Parce que c'est les directives qui leur sont données. Et la SQ, c'est une police de char. C'est une police où les policiers travaillent dans leur voiture. Ouais. Ils ont tout le temps fait ça sur l'autoroute, sur les... parce que des fois, ils vont dans le champ pour faire l'éradication du pot, puis tout ça. Mais c'est une police de char. Monsieur Mas, Est-ce que... J'ai une question ridicule. Oh, auriez-vous le droit de demander à la GRC de patrouiller comme ils le font dans les provinces de l'Ouest, votre municipalité? Non, on n'aurait pas le droit parce qu'au Québec, la GRC n'a pas juridiction sauf pour les affaires pan-canadiennes. OK. Et vous pourriez même pas, sous forme de contrat, leur déléguer des pouvoirs municipaux? Même pas. Puis, regardez bien les choses. Dans le moment, il y a certaines municipalités, on les a vues surtout dans l'ouest de Montréal, mais là, parce que quand tu avais établi la police de la CUM à Montréal, dans les environs de Montréal, ben, les municipalités comme Habitat, Côte-Saint-Luc, Pierrefonds et tout ça, c'était doté d'une sécurité privée. Oui. OK? Mais ces gens, même si moi je n'embauchais une ici à Waterloo, elle n'a aucun pouvoir. La loi a fait en sorte que vous n'avez plus le pouvoir d'être... Autrefois, le maire d'une ville, c'était le responsable de la police. Ouais. C'était une de vos fonctions les plus importantes. Vous étiez le patron de la police. Ben, vous n'avez plus ça. Ah, pas du tout. Maintenant, la police est le patron du maire. Est-ce que les maires qui vous écoutent présentement sur ma petite antenne seront scandalisés ou s'ils seront soulagés de vous entendre parler ainsi? Ben, écoutez, ils vont être soulagés parce que j'ai déjà le son de cloche de plusieurs municipalités, à peu près déjà une trentaine qui se sont inscrits à un forum qu'on organise à Huntingdon le 26 novembre. À Huntingdon? Ah ben, c'est une belle place, hein? Ah, tu sais, la place où la sûreté n'a pas donné de service. Ben, entre autres. Ils ont refusé d'en donner. Et imaginez-vous, là, Huntingdon, c'est le coin le plus sud-ouest de la province de Québec, et on a des élus de Sept-Îles, de Gaspé, de Saint-Joseph-de-Beauce qui viennent à notre forum. Wow. OK? Ouais. Il est temps qu'on arrête de grignoter nos mécontentements dans nos municipalités et qu'on les mette en commun et qu'on monte au bureau du ministre Jacques Chagnon, parce que d'essayer de négocier avec les états-majors dans nos districts, c'est comme négocier avec la chaise. Ouais. Ce sont des rednecks, ce sont des durs, des soldats de la SQ et that's it. Quelles sont les villes importantes, à part de Bromont, que vous nous avez cité en exemple? Moi, j'ai parlé de Thetford. Et quelles sont les villes importantes qui, actuellement, sont pas allées à la Sûreté du Québec et que... Ah, ben écoutez, Granby, Sherbrooke, Trois-Rivières, il y en a qui ont eu l'occasion de se former des... Il y a des regroupements qui ont eu lieu aussi. Des régies de police, en autant que... Il y avait déjà un noyau de 50 000 habitants. Ouais. OK? Mais, vous savez, même ces villes-là sont en furie contre la loi. Pourquoi? Ben, parce que la loi vient leur imposer de donner soit le niveau 1 ou le niveau 2 s'ils sont plus près de Montréal ou de Québec. Et ces impositions de niveau leur occasionnent des dépenses, mais très onéreuses. Un exemple que je vous donne, la ville de Bromont, la petite ville de Bromont, là, est obligée d'agrandir son poste de police pour se bâtir un laboratoire d'enquête criminelle et une cellule conforme au cas où elle aurait à garder un prisonnier dans la nuit jusqu'au lendemain pour l'emmener à la cour. Ben alors ça, c'est exigé des villes qui ont gardé deux polices, ouais. Mais par contre, la SQ, elle n'a pas de laboratoire d'enquête dans mon hôtel de ville, parce que le poste est dans l'hôtel de ville ici. Elle n'a pas. Elle n'a pas de cellule non plus. Elle, quand elle veut garder un détenu dans la nuit, elle a un deal avec la ville de Granby à côté. Mais Bromont n'a pas le droit de faire un deal avec la ville de Granby. En somme, la loi a été faite pour pousser graduellement tout le monde à la sûreté. Et voilà. Et voilà. Et une loi se défait par une autre loi, ou une loi peut s'amender. Et on a vu que la loi sur les fusions municipales s'est défaite. Ben, peut-être que nous, maintenant, c'est ce qu'on voudrait. Est-ce qu'on découvre aujourd'hui un mouvement qui se met en marche ou un mouvement qui existe depuis plus longtemps qu'on pense? Non, on découvre un mouvement qui se met en marche. Voyez-vous, la commission de la commission politique, justice et sécurité publique n'existe que depuis à peu près un an et quelques. Alright? Donc, oui. L'Union des municipalités a décidé de mettre ça en mouvement. On s'occupe aussi d'incendies, de cours municipales et tout ça. Mais je dois vous admettre que dernièrement, c'est bien plus la police qui nous préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si la Sûreté du Québec se réformait, abandonnait ses techniques à elle et se rapprochait de vos citoyens, est-ce qu'elle pourrait contrer le mouvement que vous lancez? Je pense que oui. Mais il y a une autre chose. Il faut que nos coûts arrêtent d'escalader aussi, là. Parce que vous savez, si j'avais une industrie, il y en a une d'ailleurs qui parle de le faire, une industrie qui viendrait s'installer à Waterloo et qui investirait dans son immobilier à peu près 40 millions de dollars, ça me coûterait à peu près 100 000 dollars de plus de SQ, moi. Puis il n'y aurait pas un policier de plus, là. Le coût n'est pas en rapport avec le service donné. Non. Le service donné, c'est ce que la police veut donner. Le coût, c'est en rapport à ce que vous valez? À la richesse foncière uniformisée, exactement. Ah ben, alors ça... C'est cute, hein? C'est cute. Non, non, tout est pour vous pousser dans la police nationale. Puis la on police nationale. Puis on l'est déjà. Puis un coup qu'on l'est, ben là, on court après la facture. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Avez-vous déjà eu l'occasion de parler avec un gars du provincial, un politicien provincial, avec le langage que vous venez de me tenir? Non, pas avec un politicien. J'ai souvent jasé avec l'ancien DG, M. Gagné, l'ancien directeur général. De la Sûreté? Mais ça a été nulle part, là. Ça a été absolument nulle part. Il m'a écouté, mais il ne m'a pas entendu. Non, c'est contraire à ses intérêts. Bon. Et l'état-major, ben ça, je l'ai fait. Écoutez, moi, là, je suis en croisade. Depuis que je suis arrivé à la mairie en novembre 98, j'ai écrit des lettres à toutes les MRC à maintes occasions. Si je vois quelque part où la SQ a un kiosque dans un salon quelconque, quand je passe devant le kiosque, ils me connaissent tous, là, à travers le Québec, là. OK? Ben là, maintenant, là, de concert avec mon collègue de Huntingdon, là, on monte ce forum-là. Puis c'est pas pour niaiser. Est-ce que les citoyens sont conscients de ce que vous me racontez là? Les citoyens sont conscients. Écoutez, le meilleur indicateur de performance, c'est quand le téléphone sonne pas sur mon bureau. Ouais. De citoyens qui disent, là, je viens d'appeler, ça fait 8 fois que j'appelle pour le bruit qu'on entend du bar, puis ils me disent qu'ils n'ont pas rien que ça à faire. Hein? Ouais. Je veux bien croire qu'ils n'ont pas rien que ça à faire. Mais s'ils le faisaient une fois, peut-être qu'il n'y aurait plus de bruit. Ben là, tu sais, m'emmener, là, le propriétaire de bar, mais qui a reçu une amende une fois, quand le policier passe puis voit un gars qui est stationné sur la bonne fontaine, pourrait peut-être débarquer de son char, puis il connaît une petite tapisserie dans le windshield. Le gars, il se parquera plus là la prochaine fois. Pourquoi on peinture la chaîne de trottoir jaune, puis la bonne fontaine rouge, puis il y a une pancarte marquée défense de stationner, si la police s'en occupe pas? C'est pas digne d'elle. C'est pas... Exactement. La SQ, c'est une police de grande route. Ils ont aucune expertise en municipal. Mais aucune. Et ils vont peut-être la développer d'ici 10, 12, 15 ans, mais à nos dépens. La chose qui m'intrigue, c'est qu'ils se sont donné un manpower municipal. Ils se sont pas donné des cadres qui étaient conscients des besoins. Il n'y a pas de leader à la Sûreté du Québec qui vient du municipal. Ah, ben, regardez bien. Ici, nous, il y a 2 ans, on a eu un changement de chef de poste. Et c'est un gars de sûreté municipale qui s'est amené ici. Oh mon Dieu, ça a changé du soir au lendemain matin. On avait des relations avec ce gars-là merveilleuses. On voyait que c'était un gars de municipal, habitué de travailler avec des élus, puis de jaser. Hop, un an plus tard, il devient vert. Son discours change. Et il embarque dans le giron de ses gourous, là, puis dans la philosophie qui l'anime. Ouais, c'est fort, ça. Hein? Mais c'est écœurant. Monsieur le maire, il faut qu'on reste en contact parce que ce que vous entreprenez, c'est quelque chose qui tient à cœur à bien du monde. Oui. Et j'ai une question de stricte curiosité qui m'est inspirée par un auditeur ou deux qui m'envoie des messages pendant qu'on se parle. Okay. Vous venez d'où, vous, avant d'être maire? Quel genre d'expérience de vie vous avez pour avoir cette perception-là qu'on entend si peu souvent chez nos jeunes policiers? Moi, je suis un vendeur professionnel depuis plus de 50 ans. Et j'habitais à l'île Bizarre, dans l'ouest de Montréal, avant de m'en venir ici. Par contre, j'ai habité pas mal partout à travers le Canada, Vancouver pendant 10 ans, puis ainsi de suite. Donc vous êtes un gars dont la... Vous êtes un homme politique dont la formation est dans le respect de la clientèle. Exactement. Puis c'est ce que j'essaye à leur dire à la SQ. Vous avez jamais eu de client avant. Parce que c'est Québec qui vous payait. Québec, c'était pas votre client, c'était votre patron. Maintenant, vous avez des clientes, des municipalités clientes. Traitez-nous comme des clients. Dites-nous pas que vous connaissez nos besoins. Demandez-nous quels sont nos besoins. Moi, si j'ai quelque chose à vendre à quelqu'un, et je dirais pas, hey, je sais ce que t'as besoin. Non, je vais lui demander, qu'est-ce que t'as besoin? Puis là, je vais lui montrer le produit que j'ai et le prix qui l'accompagne, puis je vais le convaincre de l'acheter. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un décrire avec autant d'à-propos une forme d'arrogance inconsciente des policiers verts. Ben, ça n'a pas de bon sens. Ils connaissent nos besoins, puis ils vont nous le dire. Mais attendez un peu, j'aimerais corriger quelque chose. Le policier comme tel fait la meilleure job qu'il peut avec les outils qui lui sont donnés. Mm-hmm. Je ne les blâme pas. Je blâme même pas mon chef de poste. Parce que lui aussi, il est pogné. Il a 24 effectifs. Puis quand il y en a qui sont malades pendant un mois, il peut pas les remplacer. Hein? Ouais. Il y a un enquêteur qui a pris sa retraite il y a un an et demi ici. Il est pas encore remplacé. Donc nous, le coût est basé sur 24 effectifs. Mais on n'a jamais plus que 17-18 dans le mois qui travaille. Un système lourd. C'est une aberration, ça, là. Mmh. Donc, le chef est pogné dans un dilemme parce qu'il ne peut pas donner le service qu'il lui aimerait. Le policier travaille tout le temps à moitié attriqué parce que y a des nuits là où il y a un policier qui reste dans le poste. Parce qu'il y en a un qui n'a pas pu se présenter sur la relève. Et entre 19 et 7, selon la convention collective, il doit être deux par voiture. Alors l'autre, il s'assied dans le poste, puis il attend. Parce qu'il ne peut pas sortir tout seul. Puis s'il sort tout seul avec l'auto, il ne peut pas intervenir tout seul. Monsieur le maire, merci, puis à la prochaine. OK. Salut. Bye-bye. C'est Paul Mars, vice-président de la commission sur la police à l'Union des municipalités, maire de Waterloo et client insatisfait de la Sûreté du Québec. Enfin, à Donnacona, une nouvelle concession automobile à l'image Mazda. Venez nous rencontrer pour l'achat ou l'entretien de votre véhicule Mazda. Ouvert le samedi, Grand Port Neuf Mazda, si près de vous. 285-2020. 285-2020. Votre Volkswagen, vous la faites réparer au garage du coin? C'est à vos risques. Chez Auto Techno, les mécanos ont été formés chez Volkswagen et ils travaillent avec les ordinateurs de Volkswagen. Ils effectuent l'entretien pendant votre garantie et vous prêtent un véhicule durant les réparations. Avec 12 ans d'expérience, Auto Techno a un taux de satisfaction à la clientèle de 94%. Auto Techno, recommandé CAA, 559 Route Kennedy à Pintendre, 838-1833. À Noël, fini les clichés. Je te clique en numérique. Voyez Noël sous un nouvel angle. Obtenez une caméra numérique gratuite d'une valeur de 200$ avec Internet haute vitesse Globetrotter de TELUS. Des photos de bébés, de maman, Super Noël, de l'arbre, de la dinde. Cliquez à volonté. En plus, tous les abonnés Globetrotter obtiennent 10 mètres d'hébergement photo gratuit. Amusez-vous. Et partagez vos photos en famille. Pour cliquer, composez le 1-800-520-GLOBE, visitez globetrotter.net ou un agent autorisé. TELUS, le futur est simple. Quantité limitée. Les grands froids sont presque arrivés et les fenêtres vont se fermer pour des mois. La fièvre, l'asthme, la pneumonie, les allergies, les grippes. Faites nettoyer vos conduits d'air, Calinette, pour éliminer les bactéries, les champignons, les protozoaires, les virus, avant que vous ayez commencé à les respirer. Les spécialistes du nettoyage de conduits de ventilation, Calinette, 660-4484, pas de chance à prendre. Pour ne pas souffrir des grands froids de l'hiver, vous pouvez toujours rester à l'intérieur. Ou vous pouvez choisir, au Charlemagne, un manteau qui va vous garder bien au chaud. En ce moment, 20% de rabais sur les parkas Hodvik. Réputés pour leur confection impeccable, les parkas Hodvik vous amèneront jusqu'à moins 40. C'est parfait pour le plein air, c'est parfait pour les grands froids. Les parkas Hodvik, 20% de rabais jusqu'à dimanche. Après, ça sera trop tard. C'est le Charlemagne, au carrefour Charlebourg. Le pain à la viande de Hector. Un goût unique. chronique. Sans oublier nos délices de tous les jours à petit prix. Angle Saint-Joseph et Pierre Bertrand. Rainfray Volkswagen est en feu. De 750 à 6000 $ de rabais sur nos modèles 2004 en inventaire. Ou 2,8% 60 mois modèle à essence ou 3,9 diesel. Rainfray Volkswagen Lévis. Êtes-vous fait pour Volkswagen? Enfin, à Donnacona, une nouvelle concession automobile à l'image Mazda. Venez nous rencontrer pour l'achat ou l'entretien de votre véhicule Mazda. Ouvert le samedi, Grand Port Neuf Mazda, si près de vous. 285-2020. 285-2020. Bardoles, spécialiste des additifs et lubrifiants, présente XTC, l'huile à moteur 100% synthétique haute performance pour les moteurs essence et diesel. Elle facilite le démarrage à froid, elle protège le moteur à très haute température et elle répond à toutes les normes dont celle de Volkswagen pour tous les TDI. Exigez-la à votre garagiste ou contactez Auto Moto Performance 688-9999. Nous savons tous que le salon Ross, le spécialiste des traitements capillaires chez nous, a subi un contretemps au cours des derniers jours. Et après 58 ans de notoriété dans la région de Québec, c'est pas ça qui va les ralentir. Tout va reprendre normalement, on va vous tenir au courant. Mais d'ici là, Christine Ross et son équipe s'occupent de tout, même un service à domicile. Le salon Ross, toujours à votre service, à 529-9601. Salut, je m'appelle Marteau et j'aime le poulet. Chez Fusée, il y a un choix de chef à partir de seulement 4,95. Réserve ton party de Noël chez Fusée et tu pourrais le gagner. Détails en succursale. Le maire de Waterloo semble en avoir rejoint quelques-uns par les tripes. Alain écrit... J'ai écouté avec délectation l'entrevue avec le maire Mas. C'est dans la même graine que le maire de Huntingdon. Avez-vous remarqué à quel point les maires de petites villes parlent avec leur gros bon sens, contrairement aux maires des grandes villes qui font dans les pédants, prétentieux et hautains et qui parlent le tout à fait plutôt que le langage du monde ordinaire? Maudit que c'est vrai, il y avait quelque chose de séduisant dans les démonstrations que faisait le maire Mas, il y avait quelque chose de profondément vrai dans ce qu'il racontait et dans les termes qu'il choisissait. Bonjour en ligne. Bonjour, Jean-François, ça va bien? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, je voulais demander votre avis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me semble que depuis un an, il y a un gros vent de changement au Québec. J'écoute le maire qui vient de parler, M. Mas, j'écoute le maire d'Huntington, à tout le monde en parle, qui a fait il a un peu rire de lui par la gang de gauchistes qui était là, mais qui avait foncièrement un discours intéressant. Je regarde les manifestations de 50 000 personnes dans la rue pour une liberté, puis on parle d'une liberté d'expression, mais une liberté fondamentale. J'écoute M. Gilbertberg parler, on dirait qu'enfin les personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont une logique, se mettent à parler et à tasser un peu la gauche québécoise qui dit, regarde, là, on paye, on veut du service, on est des... Puis aussi, s'occuper de la majorité. On a tellement géré pour la minorité, là, les... Bon, on va gérer pour les handicapés. On va gérer pour les personnes qui travaillent pour. Et on a même fait dire par des chefs syndicaux que les Québécois ne voulaient pas de réduction d'impôts parce qu'ils voulaient garder leurs hôpitaux et leurs écoles de merde avec des syndiqués mur à mur. On nous a fait dire ça au cours des dernières années. La côte n'a pas fini de remonter, là. On n'a même pas le pire, c'est qu'on n'a même pas d'hôpitaux. On s'en va là pour mourir. J'envoie ma mère là, puis je t'inquiète. Faut que j'y donne 2-3 yogos, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que je l'envoie à l'hôpital. Ça n'a aucune logique. Je suis content d'entendre un maire. C'est, mon Dieu, c'était rafraîchissant. C'était un plaisir de l'entendre parler. C'était un plaisir aussi d'entendre... je suis pas toujours d'accord avec le maire d'Huntington sur certains points, mais quand même, en général, son discours était rafraîchissant. On les laisse enfin s'exprimer. Vous avez une tribune excellente pour ça, pour pouvoir justement avoir des points de vue de ces gens-là qui ont des choses intéressantes. Mais ce qui me frappe, c'est que sur la marmite qui bouillonne, il y a quelqu'un qui garde le doigt sur le presto actuellement et qui, d'après moi, laisse monter la pression. C'est l'appareil média. L'appareil média est dans les mains des syndicats. dans les mains de la gauche, dans les mains des séparatistes, dans les mains de ces vieux croulants qui sont les héritiers des curés et qui veulent pas que ça avance parce qu'ils sont ben de même en train de devenir riches. Et lorsqu'il y a un vent du changement que vous voyez apparaître, M. Mars, là, vous ne l'entendrez pas pendant 20 minutes à Radio-Canada de sitôt, là. Non. Bon, vous ne l'entendrez même pas à TVA de sitôt. Mais c'est pas Everell Dalton qui va se précipiter pour démontrer que les policiers de la Sûreté du Québec font un travail de cochon. Il y a bien trop de fun avec son radar Fisher-Price dans le parc des Laurentides. Donc, il y a comme une espèce d'armure, là, qui n'est pas encore défoncée. Puis je suis pas sûr qu'elle est défonçable. Puis ce qui me fait rire, justement, d'Averell, pendant que vous me créez un lien, il fait dans le semblant réalité. Il fait dans le semblant que lui, il va dire les vraies choses. Lui, il est honnête. Puis lui, il va sortir les choses du placard. Puis c'est encore de la poudre aux yeux. Il n'y a même pas le contexte, le vrai contexte. Il s'en va sur, j'ai vu le reportage. Tu sais, on va arrêter de la famille. Je pense que j'ai renvoyé une lettre de bêtise, carrément. On va arrêter de la famille des gens qui sont décédés là. Il y avait vraiment, puis je le sais que je travaille ces routes, M. Arthur, je le sais que les routes, ça m'a... Écoutez, je travaille dans votre comté, là, le comté de votre petit fouet. Ouais. Je vais vous le dire, écoutez, les routes, c'est à moitié déneigé, puis là, après ça, bon, on va s'en aller sur le bord d'autoroute, puis on va avec un radar, le monsieur roulait à 120, c'est de sa faute. Ouais. Le monsieur roule à 110, mais c'est de sa faute. T'sais? Alors que la route est à moitié déneigée, à moitié entretenue, puis bien souvent, l'asphalte est à moitié faite aussi. C'est-à-dire, ça peut pas... Je suis content du vent de changement qui se produit et je pense sincèrement que l'histoire de choix cet été en a réveillé plusieurs et la gang à Montréal commence à shaker un peu dans le manche. J'ai pas le temps de vous conter une histoire personnelle, mais j'étais avec du monde à Montréal la semaine passée qui ont jamais écouté Jeff Filion et sa petite gang du plateau. Puis ça chiait sa tête et ça en était même dur à le défendre tellement qu'il était convaincu que c'était un monde. Ouais. Ça en était dur à vouloir prendre le point de vue d'écouter les puis. Vous allez voir, j'avais de la misère à le défendre. Tellement que c'était ancré comme quoi c'était. Mais là, la gauche à Montréal commence sincèrement à avoir peur de ce qui s'en vient. Et le pire, c'est que c'est des maires de la banlieue de Montréal qui commencent à se réveiller. C'est des gens d'Huntington, le maire de Waterloo, les maires alentour, là, qui de l'Ouest un peu, ouais. Si vous voulez, qui commencent à se réveiller. Ça va être intéressant à suivre. J'espère que votre optimisme ne sera pas déçu. Moi, j'ai plutôt une attitude pessimiste à l'égard de la société québécoise parce que je me dis qu'ils ont pogné le levier de l'éducation et ils transmettent à nos enfants les cochonneries qui nous infligent depuis toujours. Puis nos enfants vont en venir à trouver ça normal de dire que les Américains, c'est des imbéciles, puis que les séparatistes ont raison, puis que Jeff Filion, c'est un écœur. C'est ça qui se transmet, puis les syndicats, c'est essentiel. Alors, regardez mourir le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec ses syndicats forts. Ils sont en train de s'étouffer complètement. Ils veulent syndiquer Walmart, ils ne sont même pas capables de sauver leur job. Effectivement, Walmart, c'est le symbole, de, si vous voulez, de la syndicalisation dans ce coin-là. C'est que, quand tu es rendu à syndiquer des jobs au salaire minimum, là, Faut vraiment que t'aies pas pensé à ton affaire pantoute. Salut, merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Il est 1h10. J'aimerais ça reprendre le propriétaire Bélanger du IGA de Donnacona, qui est obligé de rendre les armes. On parlait d'une ville qui est pas capable de protéger son centre. Lui, c'est un gars qui a travaillé très fort à revaloriser le centre-ville. Mais pendant ce temps-là, les gens de Donnacona ont commencé à aller dans un métro agrandi, puis dans un maxi agrandi, puis là, à un moment donné, lui, il dit, regarde, je suis au centre-ville, puis je pourrais pas continuer. Je trouvais que il y a quelque chose de particulièrement triste dans ce qu'il a fait. En tout cas, on va passer une pause, là. Et dans la pause, est-ce qu'on va avoir la nouvelle promotion pour inviter Martin? OK, on va partir avec on a une nouvelle promotion pour rendre hommage à la contribution bénévole de Everell Dalton de Télé 4. Matin, midi, avec André Arthur, CKN. Les frustrations, c'est connu, faut pas garder ça par en dedans. Faut en parler, ça fait du bien. N'est-ce pas, Martin? Hey, toi là, là, allez chier dur de bord. Tiens, garde, là, si tout le monde, c'est des ci et des ça, là, ça va faire, les gars. Vous êtes tellement dans le champ. C'est une gang de pas bons. C'est pas vrai. J'ai pas pissé sur la tombe de personne. Non, oui, allez chier. On s'entend-tu là-dessus? Tu es à toi-même. La marche. Regarde, là. On comprend pas votre problème, si vous voulez vous dire. J'ai l'air d'un ci et de ça. Hey, toi là, là. Il y a un problème. Vous-même. Enfant le chien. Bah, allez chier dur de bord. Non, oui, allez chier. Matin, midi, avec André Arthur. De 7h à 9h30. Et de 11h30 à 13h30. André Arthur. Salut, comment ça va? C'est quand même 100.9. Le merveilleux monde des étalons Lipizan est de retour à Québec, samedi le 20 novembre prochain à 14h et 19h30 au Colisée Pepsi. Venez admirer la grâce et les prouesses acrobatiques de ces magnifiques purs semblants comme neige. Voyez le summum de l'art équestre, une occasion unique d'assister à l'un des plus grands ballets équestres de l'histoire. Les étalons Lipizan, en tournée mondiale, une expérience formidable pour petits et grands. Billets en vente à la billetterie du Colisée au 691-7211 et dans le réseau Billettech. Les grands froids sont presque arrivés et les fenêtres vont se fermer pour des mois. La fièvre, l'asthme, la pneumonie, les allergies, les grippes. Faites nettoyer vos conduits d'air. Calinette, pour éliminer les bactéries, les champignons, les protozoaires, les virus, avant que vous ayez commencé à les respirer. Les spécialistes du nettoyage de conduits de ventilation, Calinette, 660-4484, pas de chance à prendre. Pour ne pas souffrir des grands froids de l'hiver, vous pouvez toujours rester à l'intérieur. Ou vous pouvez choisir, au Charlemagne, un manteau qui va vous garder bien au chaud. En ce moment, 20% de rabais sur les parkas Hodvik. Réputés pour leur confection impeccable, les parkas Hodvik vous amèneront jusqu'à moins 40. C'est parfait pour le plein air, c'est parfait pour les grands froids. Les parkas Hodvik, 20% de rabais jusqu'à dimanche. Après, ça sera trop tard. C'est le Charlemagne, au carrefour Charlebourg. Cet hiver, allez-y. Déchaînez vos passions avec la RX et la Vector de Yamaha. Passez dès maintenant chez Sport Plus Saint-Casimir et parcourez les grands espaces dans la paix et le silence avec le moteur 4 temps le plus animé de sa catégorie. Les motoneiges Yamaha et Sport Plus Saint-Casimir, une équipe sans compromis. Commandez maintenant et obtenez $300 en Yamaha dollars. Sport Plus Saint-Casimir, 480 Notre-Dame Saint-Casimir. Des kilomètres de plaisir. L'eau du robinet vous fait grimacer. Elle est mauvaise. Pourtant, elle pourrait être traitée, devenir délicieuse, perdre son odeur et pour tous les robinets de la maison. La solution, Culligan. Une eau de qualité pour tous les usages de la maison. Vous louez et vous recevez 3 mois gratuits. Vous achetez, vous recevez l'installation gratuite. Financement disponible, Culligan depuis 50 ans. 681-4605. À votre santé. Salut, je m'appelle Marteau et j'aime le poulet. Chez Fusée, il y a un choix de chef à partir de seulement 4,95. Réserve ton party de Noël chez Fusée, puis tu pourrais le gagner. Détails en succursale. On dit qu'un poisson, ça pourrit par la tête. Si vous regardez le quartier Saint-Roch, vous allez voir que malgré toutes les subventions d'argent des taxes, une ville, ça pourrit par le centre. Quant à Donnacona, où nous n'allons plus aussi souvent qu'on aimerait, moi, quand j'allais à Donnacona, j'allais souvent au IGA du centre-ville, parce que j'y trouvais des gens souriants, accueillants et agréables, mais j'y trouvais aussi toute la panoplie des clochards ignobles que l'on trouve au centre-ville de Donnacona. Et il semblerait que je n'étais pas le seul, parce que, pauvre M. Bélanger, il pourra pas continuer après le mois de janvier. Il ferme son magasin. J'y ai parlé ce matin. M. Bélanger, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à fermer? Dites-moi ce que je pense. Dites-moi, j'aimerais tellement que vous me disiez que j'ai tort, là. Ah ouais, qu'est-ce qui vous amène à fermer? Ben moi, c'est des raisons, c'est pour des raisons financièrement. Comme vous savez, le grossiste avait regardé l'hypothèse depuis 4 ans là, de relocaliser le supermarché sur le terrain du Tour Québec. Oui. Sobeys avait des options sur le terrain. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été regardées. Par contre, le projet comportait plusieurs contraintes économiques. comme on sait, le magasin qui n'a pas été rénové depuis 1994, avec une superficie qui maintenant, avec le marché qu'on a aujourd'hui, est très petite, notre équipement n'étant pas adapté, naturellement, nous étions obligés de faire un mouvement, là, c'est définitif. Avec l'agrandissement du métro, quand ils ont finalisé l'agrandissement de leur stationnement au mois d'août, le projet devenait financièrement très difficilement réalisable. Avec l'arrivée du maxi, naturellement, c'est définitif qu'on ne peut pas faire autrement qu'en en venir à cette conclusion-là. Trop petit pour être un supermarché, trop gros pour être indépendant? C'est ça. C'est en plein ça. Les coûts fixes d'un magasin de cette grandeur-là, d'un centre-ville, avec les ventes qu'il rapporterait, c'est définitivement pas assez rentable, avec la bannière qu'on faut obligé de mettre dessus. Et puis, avec la bannière que j'ai actuellement, maintenant, connaissant l'agressivité du marché, c'est difficile, extrêmement difficile. On ne peut pas rentabiliser un commerce. IGA va ouvrir à Donnacona contre vous? Non. IGA, votre bannière ouvre pas à Donnacona, là. Il est pas en train de vous faire concurrence. Ça, Métro et Maxi, mais pas IGA, son base. IGA a décidé de se retirer du secteur de Donnacona. OK. Et vous, M. Bélanger, ça fait combien de temps que vous êtes le IGA de Donnacona? Le commerce, il y a un IGA à Donnacona. Moi, c'est depuis 1998 que j'ai racheté le commerce ici. Et il y a un IGA à Donnacona depuis 30 ans maintenant. Depuis 30 ans que l'IGA existe à Donnacona. Et là, ça va finir. Eh oui, c'est pas parce qu'on n'a pas fait tous les efforts. Ah non, regarde, là, moi j'ai été un petit client chez vous pendant le temps où j'ai fréquenté plus les studios de Donnacona, c'est connu. Je pense que c'est pas un grand secret pour grand monde que la majorité de mes émissions à moi se font maintenant de Québec, bien que nos studios de Donnacona sont encore utilisés presque autant qu'avant. Puis chaque fois que j'ai été chez vous, j'ai été épaté de la gentillesse des gens, des efforts qu'on faisait. C'était les gens sourds. Je ne sais pas comment vous avez fait pour soutenir le moral de votre personnel comme vous l'avez fait, mais M. Bélanger, vous avez fait quelque chose que d'autres n'auraient pas pu faire. Ben, je vous remercie. Et puis, regardez, il faut comprendre aussi que on en vient à une fermeture. C'est vraiment pas un manque d'effort de la part du personnel et de l'expérience que j'avais sur place. J'ai un personnel en or et j'ai des gens qui ont une expérience et un goût de donner le service. C'est ce qu'on a réussi à inculquer dans notre commerce de Nakona, c'est le goût du service. Puis on aimait nos clients, on appréciait. Puis d'ailleurs, je tiens à remercier toute notre clientèle qui a été si fidèle. Et malheureusement, on est obligé d'en venir à cette conclusion-là. Un troisième joueur dans le secteur de Donnacona, c'est pour un projet de tout près de 6 millions, c'est économiquement non rentable. OK. Vous allez être obligé d'abandonner parce que vous êtes un peu coincé au centre-ville et pendant ce temps-là, les beaux grands terrains près de l'autoroute permettent à des géants d'installer des affaires monstrueusement grosses. C'est ça le problème. Ben écoutez, c'est certain que nous, ce qu'on avait privilégié, le terrain d'Hydro-Québec, qui est situé au centre-ville. On a eu, avec les années, un problème de dézonage qui a pris quand même possiblement de temps avant que Hydro-Québec se déloge, se relocalise et puis qu'on décontamine, qu'on fasse toutes les choses, les travaux qu'il avait effectués sur ce terrain-là. Naturellement, il était beaucoup plus facile au bout, à côté de Jean Coutu, là, sur la 138, d'installer un commerce là. Et naturellement, c'est un terrain qui est zoné commercial et c'est là que la compétition est allée s'installer. Nous, ce qu'on préconisait, c'est qu'on disait, pour les gens de Donnacona, pour le secteur de Donnacona, le meilleur emplacement était au centre de la ville, soit en face de la Caisse populaire, au terrain du Québec. Ouais. Ça a été un meilleur service. Nos gens au centre-ville ne voulaient pas qu'on monte. Et pourquoi haut. Vous n'êtes pas allé là? Qu'est-ce qui a empêché ce rêve-là de se réaliser, là? Vous parlez de sur le terrain du Québec? Ce que vous rêviez de faire, pourquoi vous ne le ferez pas? Écoutez, c'est que il était plus difficile au niveau des affaires. Ça a été beaucoup plus difficile d'aller chercher le terrain qui était au centre plutôt que celui qui était en haut là. Et puis naturellement économiquement toutes les démarches qui ont été prises à cet effet font que à un moment donné Métro a décidé d'agrandir. Ils ont agrandi de 15 000 pieds leur surface. Ils sont montés à 31 000 pieds. Et à travers tout ça, merci est arrivé. Fait que la compétition qui grandissait, qui s'agrandissait à travers les études qu'ils faisaient. Puis en même temps, faut pas se le cacher, c'est que nous, on avait un projet de s'installer sur ce terrain-là, mais c'était un projet qui, au départ, était financièrement là. C'est très, très sa limite la rentabilité. Là, on sait quand même là, que Donnacona, c'est pas le centre-ville de Québec. Là. Ça, réaliser votre rêve, ça aurait coûté tellement cher que vous auriez été vulnérable à l'arrivée d'un géant qui aurait décidé de vous écraser. C'est définitif. Et le géant est arrivé puis il vous écrase avant même que vous y alliez. Ben, c'est un peu c'est ce qui a mis le clou dans le cercueil. Est-ce que ces gros-là vous font une concurrence mortelle, efficace, parce qu'ils coupent les prix ou parce qu'est-ce c'est-il juste les prix qui attirent les gens de Donnacona vers la grosse chaîne plutôt que vers l'épicier IGA Bélanger qui les servait bien? Le déplacement de la clientèle, c'est-il juste les prix pour 2 cents de moins sur un paquet de biscuits? Je vous dirais que c'est le marché qui est fait ainsi. Là, les gens, je vous dirais qu'ils font tous les commerces. Hein, et on avait au-delà de la moitié de notre clientèle, j'en suis convaincu, qui fréquentait notre compétiteur qui est Métro Richelieu. J'en suis convaincu. On avait sûrement une bonne partie de notre clientèle, 50% là, qui était fidèle en grande majorité à IGA. Ouais. Mais que ce soit Maxi, qui est une bannière économique, qui finalement ne donne pas le service là, définitif que nous, on donne avec dans notre commerce, c'est clair que les gens, ou que ce soit l'Oblast, qui est nouvellement installé au coin de Duplessis, qui distribue son circulaire aussi depuis dans la région depuis le mois de depuis le mois d'août, hein, l'Oblast distribue le circulaire dans la région. Fait que c'est certain que tous ces éléments-là ont contribué finalement là, Vous, M. Bélanger, est-ce que vos racines sont à Donnacona? Êtes-vous un gars de la place? Moi, je suis un gars de Québec. Et un jour, vous avez dit, je m'en vais à Donnacona faire du commerce. Ben, c'est ça. Mon père a eu un chalet dans la région de Portneuf pendant une trentaine d'années. Fait que c'est un secteur que j'ai toujours très bien connu. Et puis que, naturellement, j'étais content de venir, ouais, venir investir puis passer mes vieux jours. Hey, votre horloge est 2 minutes 30 en retard. OK. Je la mets toujours. Je te viens, là. OK. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive de vos employés, M. Bélanger? Bon, tout le personnel, naturellement, tout notre personnel, on va faire tout ce qui est en notre possible pour relocaliser nos gens. On sait particulièrement qu'on a des IGA, on a plusieurs IGA dans la région de Québec, et en priorité, on a des IGA aussi qui sont corporatifs. C'est certain que la bannière va mettre en priorité tous les noms, tous les gens qui vont désirer se relocaliser dans le secteur de Québec. Ça va être fait. On va essayer de reclasser nos gens là, à l'intérieur de la bannière. En tout cas, il y a quelques personnes dans votre entreprise que je me dépêcherais d'aller chercher si j'étais épicier. Parce que des filles souriantes, puis j'en ai vu chez vous que c'était vraiment du monde spécial, là. Ah, on sait que le service, c'est un peu ayant suivi deux rénovations de notre compétiteur qui est le Métro depuis 1998, la seule façon que j'avais décidé là, de maintenir le business là, dans ce petit commerce-là, c'était justement le service, la qualité et la propreté des lieux. puis je pense qu'on on a très bien réussi malgré tout ce qui nous est arrivé là. Les gens l'appréciaient, puis j'avais une équipe en or. J'ai une équipe en or. Et... Vous, M. Bélanger, qu'est-ce qui arrive de vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, présentement, c'est une décision du grossiste, comme on sait. Fait que moi, je suis en discussion présentement avec le grossiste pour regarder dans quelle sorte d'avenir est-ce que je vais m'orienter. C'est en discussion présentement. Connaissant IGA par le passé avec les grossistes, c'est-à-dire avec ses propriétaires, a toujours su quand même avoir beaucoup de respect à l'égard de ses propriétaires. Je pense que on devrait quand même relativement bien s'entendre et je suis convaincu que on va réussir à faire des choses, en continuer à faire des choses. En... Ok, vous vous voyez à moyen terme en train de rouvrir un IGA quelque part? Ah, c'est définitif que c'est ma passion, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est pour ça que j'ai travaillé. Naturellement, comme je dis tout le temps, c'est mon fonds de pension est dans ça. Hein. Oui. Alors, je peux pas arrêter. Il faut que je continue. Êtes-vous propriétaire de l'immeuble? Non. C'est loué. L'immeuble appartient à une société en commandite. Et naturellement, c'est loué par IGA. Et moi, je suis loué tout le temps. C'est un bail qui est sous-loué à IGA. Hein. Est-ce que vous savez ce qui va s'installer à votre place? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'un bail jusqu'en octobre 2008 sur la bâtisse, IGA détient un bail. Et puis, c'est tout ce que je sais à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va devenir de ce local-là? Il faut lui donner une autre vocation. Comme on sait, j'ai travaillé, j'ai été président du comité de revitalisation au centre-ville de Donnacona pendant les 4 premières années. Là. Et puis, on a travaillé bien fort pour essayer de revitaliser le centre-ville. Ça a donné beaucoup de résultats, mais c'est certain que le comité est toujours en place, les gens sont toujours là et je suis convaincu que les gens vont travailler pour essayer de donner une vocation à cette bâtisse-là, j'en suis convaincu. Ouais, moi, ce qui me fait peur de ma connaissance de Donnacona, qui est bien imparfaite, c'est que c'est les places le fun qui s'en vont, Dontec, qui était un endroit remarquable, une entreprise familiale de teinturerie, là, qui est disparue, même pas pour se relocaliser ailleurs. On met la clé dans la porte, c'est finito. Les gens venaient de Québec pour aller là. Vous, avec votre façon bien spéciale de faire le service, vous partez. S'il fallait revenir en arrière sur le jour où on a rêvé de revitaliser le centre-ville, le vieux Donnacona, j'ai l'impression qu'on a rêvé des choses qui ne sont pas réalisées. Hein. Ben écoutez, il y a plusieurs choses qui sont réalisées. On ne peut pas nier les investissements de tout près de 3 millions qui ont été faits sur les façades au centre-ville de Donnacona. Et puis, moi, comme président, dans les premières années, je me suis toujours dit, on se met beau, on se met bien. La business, les gens, si on veut que les gens louent des commerces, soient présents dans ces commerces-là, ça prend un beau centre-ville. Et je me disais aussi, sachant pertinemment qu'on était à l'étude pour le terrain du Haut-Québec, je me disais, mais faut que les gens passent devant le terrain du Haut-Québec pour aller quand même fréquenter le centre-ville. Oui. Alors, dans ma vision des choses, c'était exactement ça que je voyais. Puis je me disais, on peut pas avoir un centre-ville qui est mort si on a une business en plein milieu. Alors, il fallait absolument qu'on recommence par créer un échalandage au centre-ville. Alors, je pense que présentement, il y a quand même il y a du bon travail qui a été fait, il y a du bon travail qui se fait. Il y a un bon dynamisme aussi du conseil de ville. Je vous dirais... les gens qui sont en place ont une très grande dynamisme, une grande volonté en tout cas d'attirer le plus de gens possible et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Le fait qu'on ne soit pas capable de réaliser ce projet-là, c'est certain, c'est à cause que l'avenue d'un troisième joueur, ouais. Comme deuxième joueur, je pense que on aurait fait nos affaires, là. Ça aurait peut-être pris encore une couple d'années, mais on aurait réussi à se tenir debout. Mais à trois joueurs, c'est impossible. Qu'est-ce qui arrive du terrain d'Hydro-Québec, là? J'ai aucune idée. Je sais que Sauvé, ils avaient des options sur ce terrain-là. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui va devenir de cet endroit-là. là. Mais ça ne sera pas IGA. Ah, c'est définitif. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que on avait l'intention de sortir complètement de cette heure. Dites-moi, je vais vous poser, je vais faire quelque chose que j'aime pas faire, mais vous poser une question que je comprends pas parce que quelqu'un me demande de vous la poser par email. Les immeubles Gérard Bouchard et la poursuite avec la ville, est-ce qu'il y a un rapport? Non. Ben, la poursuite avec la ville, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est que les immeubles Gérard Bouchard, c'est les propriétaires du centre d'achat en haut, qui ont fait une injonction, ils ont levé une injonction avec, ils ont levé une injonction contre la ville pour pas que la ville dézone le terrain. Je dis donc Québec. C'est ça. Et puis ça a retardé le projet là, d'une couple d'années. Juste le temps là, que Métro Gagnon fasse son projet, là, finalement, là, que fasse son projet d'agrandissement. C'est clair que ça a retardé le projet. Bon, savoir s'il n'y aurait pas eu d'injonction, si on aurait pu avancer plus vite dans le dossier. Peut-être que Maxi ne serait pas installé si on aurait été là avant. Mais c'est tout des si, hein, on ne peut pas savoir. Là, La stratégie de Métro a consisté, ou de son propriétaire, a consisté à aller contre la ville en injonction pour retarder les choses d'IGA et passer entre les deux dans l'agrandissement de son propre magasin. La stratégie commerciale incluait une injonction. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est spécial. Comment vous allez faire, M. Bélanger, pour maintenir la qualité de ce que vous faites jusqu'à la dernière minute? Ah, ben j'ai rencontré mes gens lundi soir, et puis ils m'ont tout dit qu'ils vont être avec moi là, la plus fort. C'est certain qu'on va rester toute la période des fêtes, on va essayer de donner le même service et le même sourire qu'on a toujours fait. Et puis, c'est naturellement, s'il y a des gens qui se trouvent du travail entre-temps, mais on va vivre avec. La seule chose qui ferait que on ne serait pas capable de se rendre à terme, là, soit le 15 janvier, ce serait que j'ai plus assez d'employés pour faire mon travail, là, faire opérer le magasin. Mais je pense qu'on va être en mesure de passer à travers la période des fêtes définitivement. Puis on attend les gens avec le sourire, puis ça paraîtra pas. Monsieur Bélanger, je vous salue. Merci beaucoup, monsieur Arthur. Au revoir. Merci. Pendant ce temps, à son bureau, à l'hôtel de ville de Donnacona, le maire, André Marcoux. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Arthur. Question rapide, le terrain d'Hydro-Québec que l'on convoitait pour IGA avant que les gros s'installent, qu'est-ce qui va devenir? Pour l'instant, il y a d'autres projets, mais je voulais juste rétablir un petit fait, monsieur Arthur. Il n'y a jamais eu d'injonction de fait par les immeubles Gérard Bouchard de Métro. Et il y a eu une contestation sur le règlement du zonage. Et ce qui a influencé, ce qui a dérangé, c'est que le terrain n'a pas été disponible parce que la construction du nouveau poste d'Hydro-Québec n'a pas été bâti immédiatement. Et aussi, il y a eu une question de décontamination. Et le troisième facteur, c'est que IGA Sobeys, avec lesquels je suis en communication depuis 2 ans, avait une mission première, c'était de trouver un locataire pour leur local au centre-ville avant d'aller se bâtir chez Hydro-Québec. Alors, il n'y avait pas de projet avant 2005, et ça, je peux vous le confirmer parce que ce matin, hier et depuis 2 ans, j'ai toutes mes notes devant moi. Comme vous le savez, je prends des notes. On a travaillé ensemble dans ce dossier-là pour trouver un locataire potentiel pour faire accélérer le projet pour aller chez Hydro-Québec. Mais il n'y a jamais eu de d'injonction des devises. Il y a juste une contestation, puis c'est pas ce qui a fait retarder le projet de IGA. Est-ce que vous comprenez IGA dans le geste qu'il pose? J'ai un petit peu de difficulté parce que la semaine passée, on avait des projets ensemble. On parlait d'une épicerie de façon différente pour le centre-ville, avec une autre bannière qui pouvait être plus petit un petit peu, mais qui était capable de satisfaire les gens au centre-ville, puis ramener, garder l'achalandage, puis surtout fournir un service d'épicerie au centre-ville. C'est les conversations qu'on a eues la semaine passée. Je vous dirais jusqu'à vendredi passé. Hier matin, M. Bélanger est venu me voir avec quelqu'un que j'ai un grand respect, avec qui on a travaillé longtemps, puis encore la semaine passée, à plusieurs reprises. Mais c'est une décision corporative. Et les autres, dans l'alimentation, présentement, c'est assez différent. C'est une façon de faire. C'est des corporations qui sont... Avec l'agrandissement de Métro, l'arrivée de Maxi, la disparition d'IGA, tout bien considéré le bilan, est-ce qu'on devrait dire que Donnacona va être suréquipé en plancher d'alimentation? Ben, si vous prenez que IGA, présentement, il y avait 14-15 000 pieds, puis vous allez avoir Maxi qui va avoir 40 000 pieds, puis Métro 31 000 pieds. C'est sûr qu'on n'est pas perdant pour l'instant dans l'alimentation, sauf que le centre-ville manque, il y a un manque. Alors, on va travailler pour combler ce manque-là. Oh, oui, je comprends, mais une fois que lui va être fermé, il va avoir deux énormes magasins. Oui. Est-ce que ces deux énormes magasins vont faire leur frais avec la population qu'il y a là? Ben, il n'y a pas juste la population de Donnacona présentement, M. Arthur. Ici, c'est un terrain d'une partie de l'ouest, puis une partie de l'est, puis un petit peu au nord aussi. Je vous dis, les études de marché, ces compagnies-là, ils ont sûrement fait des études avant d'investir 5-6 millions chacun ici. Là. Les parts de marché sont très différentes. Dans l'alimentation, il y a une compétition qui est féroce. C'est seulement qu'à regarder à Duplessis. C'est difficile à comprendre. Là. Puis les compagnies viennent s'installer suite à des études de marché. Nous, c'est sûr qu'avec les IGA, on a cheminé longtemps, depuis 2 ans, comme je vous dis, moi, je suis assis ici, puis on travaille ensemble, on se parle régulièrement, puis avec M. Bélanger, qui avait le même suivi, on tentait de les installer, mais il fallait trouver un locataire pour le centre-ville, parce qu'il ne voulait pas laisser le local vide. Et présentement, c'est ce qu'on va faire, puis on va continuer. Est-ce qu'ils cherchent un locataire dans l'alimentation ou quelqu'un qui va occuper le local pour autre chose? Ben, au début, c'était pas dans l'alimentation, parce que s'ils bâtissaient chez Hydro-Québec un projet de 35 000 pieds, ils ne pouvaient pas garder un local dans l'alimentation, parce qu'il devenait compétitif. Alors, présentement, on cherche quelqu'un, mais ça peut être dans l'alimentation. Pensez-vous avoir des chances de convaincre IGA de revenir dans Donnacona? Non, les autres, ils disent qu'ils ont fermé le livre comparativement. La décision a été prise à deux paliers. Il y a Montréal, puis il y a Québec. Puis moi, je faisais affaire beaucoup avec les gens de Québec avec qui on avait une bonne relation, qu'on se parlait régulièrement. Montréal est arrivé, ils ont tranché parce qu'ils ont dit, nous autres, on est troisième joueur, on s'en va. Rapidement, comme ça, j'avais pas prévu ça, pas du tout. On avait des façons de faire, puis on devait se parler, puis continuer, puis chercher la solution idéale pour desservir la clientèle du centre-ville. OK, avez-vous l'impression qu'ils font une erreur? Moi, je pense que oui, jusqu'à un certain point. Par contre, c'est sûr qu'en affaires, je parlais avec M. Bélanger hier, son chiffre d'affaires a baissé de 15% depuis l'arrivée de Métro, puis il était juste 2 joueurs. Là. C'est sûr que si la situation se dégrade, quelqu'un ne peut pas continuer à faire des affaires comme ça. Il faut être conséquent là-dedans aussi. C'est eux autres qui décidaient. Puis la compagnie, c'est eux autres qui sont responsables du bail et responsables aussi de bien des choses là-dedans. Là. Ouais, mais un bail a beau être payé, quand la porte est barrée pour une ville, c'est bien plate, à un coin de rue de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous rêvez de voir là-dedans? On va rêver de voir un achalandage avec des services qu'on va offrir pour la population. Puis je vous dis qu'il y a des projets depuis hier, ça a sorti de beaucoup, puis il y a toutes sortes de choses. Le local ne sera pas vide, je peux vous dire qu'on travaille très fort pour ça, parce qu'on a amélioré le centre-ville. Les gens sont fiers présentement de se promener et de venir. J'ai hâte qu'on reprenne notre marche ensemble. On a toujours parlé de faire notre marche ensemble dans le centre-ville. On l'a pas fait, ça fait déjà 2 ans. On est pénalisé parce que la facture augmente continuellement. Alors, pour avoir des services en conséquence. Merci, M. le maire. C'est bien, bonjour. André Marcoux est le maire de Donnacona, puis moi, je suis parti. Puis n'oubliez pas, on a maintenant une nouvelle promotion qui utilise la gentille participation bénévole que Everell Dalton est venu nous faire avec son vocabulaire recherché, son attitude grandiose et sa façon de faire que nous avons appréciée jusqu'au dernier instant. Peux-tu l'écouter avant d'aller me coucher? Les frustrations, c'est connu, faut pas garder ça par en dedans. Il faut en parler, ça fait du bien. N'est-ce pas, Martin? Hey, toi là, allez chier dur de bord. Tiens, regarde, là, si tout le monde, c'est des ci et des ça, là, ça va faire, les gars. Vous êtes tellement dans le champ. C'est une gang de pas bon. Mais c'est pas vrai, pas pisser sur la tombe de personne. Non, oui, allez chier. On s'entend tout là-dessus. Tu es à toi-même, la marde. Regarde, là. On comprend pas votre problème, si vous voulez vous dire. J'ai l'air d'un ci et de ça. Hey, toi là, il y a un problème. Vous-même, enfant chien. Bah, allez chier dur de bord. Non, oui, allez chier. Matin, midi, avec André Arthur. De 7h à 9h30. Et de 11h30 à 13h30. André Arthur. Salut, comment ça va? C'est Kane. 100.9. Mesdames et messieurs, je vous inviterai à partager avec nous le verre de l'amitié et à laisser un passage pour que les journalistes puissent nous quitter.